Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 6h22. Et oui, ça y est, on est de retour en direct et ça commence très bien puisque Audrey, qui doit bosser avec nous, n'est déjà pas là. Hein, ça c'est. Là, je pense qu'à ce niveau-là, on est plutôt bien là. On est plutôt très très bien parce qu'elle est déjà en retard. Mais elle est là. Je l'ai vu passer, mais bon, ça a été rapide quoi. Elle est arrivée puis repartie. Voilà, je pense que quand elle a vu la tête de Toff, elle s'est dit oh là là. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais j'étais très heureux qu'elle frotte déjà ses seins dès l'ouverture de l'émission. Ça commence. Ah ouais, ouais. Bah oui, c'est oui. Ta faute, tu l'as cherché. Hein. Bah oui, en même temps, elle est arrivée, elle s'est frottée à Toff directement, c'est bizarre. J'ai adoré. Oui, c'est vrai. Ah, mais c'est parce qu'il a un sexe à pile comme ça, tu vois. Non, t'inquiète pas, il marche tout seul. C'est ça, c'est à l'énergie solaire. Fonctionner à l'énergie solaire. Bon, Aline qui est là également en pleine forme. Oui, bonjour. Non, elle est enrhumée, alors déjà elle vient à peine d'arriver. Ah oui, ah bah je t'embrasse pas, je suis enrhumée. Exactement. Oui, bonjour, c'est l'été, je vais. Voilà. Alors qu'il fait bon. Pardon ? Alors qu'il fait bon là, 18-19 ce matin. C'est vrai qu'il fait très chaud. Voilà, il fait plutôt bien. Et puis donc Audrey qui est là également, donc en pleine forme. Hein. Toujours. Voilà, qui vient ce matin de Charleroi, elle s'est levée à 3h. Minimum. Voilà, c'est ça, minimum. Donc là, elle est bien, elle est au taquet, il n'y a pas de problème. Lop qui est là également en pleine forme. En pleine forme, bien bon. Dormi. Ah bah t'as bien de la chance. J'ai regardé la cérémonie de clôture des JO et quelle horreur. Je suis content que ce soit fini cette merde. Oh là là. Oh, ça m'a pourri mes vacances. Oh là, tout de suite l'exagération. Ah non, mais c'est vrai, c'était une horreur. Oh là là, t'as pas forcé de regarder. Non mais je recevais des alertes tout le temps, t'avais des mails partout, t'avais des infos. Et il a pris sa médaille, et l'autre il a pris sa médaille, ouais, elle a pris sa médaille, et c'était une médaille. Parce qu'en fait, tu sais, il y a des mecs pendant 4 ans, ils s'entraînent, tu vois. Non mais je sais, non mais tant mieux. C'est un peu leur rêve d'arriver là. Non mais d'accord, mais qui prennent pas la tête à tout le monde, quoi, ça je voulais dire. Non mais c'est vrai. Des JO aux infos alors là, parce que. Ouais, ça me paraît un bon plan. Bon, Toff, qu'il a également en pleine forme. Écoute, en pleine forme, j'ai mal partout, mais sinon ça va. Y'a pas qui t'arrive ? Rien, j'ai. Ah oui, devenu peintre pendant les vacances. Je suis devenu peintre, j'ai perdu une main dans l'affaire, enfin bon, voilà. L'histoire. Il est peintre en bâtiment, donc si vous voulez faire un petit peu de déco chez vous, vous pouvez demander à Toff, y'a pas de problème. N'hésitez il sera pas, là. Je suis passé champion du monde du mur rouge. Voilà. Bon, on jouera au Fun Checker aussi tout à l'heure, on a des nouveaux jeux aussi pour vous, le Fun Checker jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'à la fin du mois d'août. On va jouer ensemble, on vous offrira. Y a plein de trucs à gagner, y'a des écrans plats, y'a des serviettes high-tech, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez brancher votre iPod, MP3, n'importe quoi. Et en fait, il y a des haut-parleurs intégrés dans la serviette. Donc, c'est vachement bien. C'est-à-dire que t'as la tête couchée, comme ça, t'es quand même vachement bien installé. Il y a des roses, il y a des noirs, il y a des verts. Bon, vert, faut quand même avoir vraiment pas de goût. Bah non, mais on peut choisir en vert si on veut, il n'y a pas de problème. Donc, c'est disponible. Je ferai la liste de tous les cadeaux à gagner aussi tout à l'heure. On jouera aussi, bien sûr, avec notre ami Jean-Luc. Oui, Jean-Luc, notre nouvel ami Jean-Luc Reichmann. Donc on jouera avec lui tout à l'heure, ce sera vers 7h30. Et puis on aura l'invité mystère aussi qui va débarquer d'ici quelques instants. Et puis on a évidemment notre sous-fifre Sandro, un stagiaire depuis 6 ans maintenant. Voilà, donc il ne sera jamais payé. Hein. Autant mettre les choses au clair dès le départ. Non mais en plus, il est arrivé ce matin, il me dit « Ouais, putain, attends, j'ai excellé dans mon examen. Tu sais lequel ?» Non. Je lui dis « Bah non. » Gym. Non, en fait non, il a passé le théorique. Oh là là là là. Et je dis ouais, t'as fait combien? Bah j'ai fait 41 sur 50. Je fais ouais, c'est pas excellé ça. Ah c'est pas mal. Ah c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, ça passe. Bon, enfin bref. Et puis on salue également tous ceux qui sont connectés sur le Facebook. Il y en a. Je m'attendais vraiment à démarrer tout seul hein. Le 13 août, je me suis dit bon, il y aura personne. Au final, vous êtes quand même très nombreux. Et puis on fera le tirage au sort aussi pour vous offrir votre tablette numérique ce matin sur le groupe Facebook. Ce sera donc tout à l'heure, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le Facebook de Fun comme l'année dernière, facebook.com/funradio. Voilà, on va démarrer dans quelques instants, il y aura du son dance floor aussi avant 7h du mat. Je vous cale comme promis le son de Madonna, il y aura aussi Matt Houston avec Positif ou encore Hutton House avec Million Voices. On revient dans quelques instants sur Fun Radio, début de Mickaël à la radio, nouvelle saison, c'est parti jusqu'à 9h30 avec les infos d'Audrey dans quelques instants. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Tout l'été sur Fun Radio, passez prendre un cocktail au bar de la radio et faites-le plein de cadeaux. Secouez le shaker et repartez avec des écrans plats, des tablettes numériques, des lecteurs MP3, des serviettes de bar high-tech avec haut-parleur intégré et plein d'autres cadeaux. Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dès maintenant au 6322 en envoyant bar. Si vous passez à l'antenne, arrêtez le shaker du barman. Et c'est gagné! Merci, Fun! Cet été, les plus gros cadeaux sont au bar de Fun Radio. Envoyez bar au 6322. 1€ par message. Tout l'été, le son Dance Floor est sur Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et on est de retour, hein. C'est parti là jusqu'à, bah, jusqu'à je sais pas comment, enfin en tout cas on est de retour à partir d'aujourd'hui, quoi qu'il arrive. 6h30 sur Fun Radio, on va jouer au Fun Shaker tout à l'heure, on aura l'occasion évidemment d'en reparler, et puis on va également se faire maintenant l'invité mystère. L'invité mystère, c'est comme chaque matin, ça c'est comme l'année dernière, on n'a pas changé. Invité mystère, faut découvrir le nom, il y a des écrans plats, des tablettes, des smartphones et plein de nouveaux cadeaux aussi à gagner, des bientôt en fait, hein, le temps que je remette tout en place. Ouais, vous comprenez, c'est le 13 août, il a fallu que je me remette dedans et des trucs que j'ai oubliés. Donc rassurez-vous, il y aura des nouveaux cadeaux. En plus, hein. Bah comment ça? Quoi? Mais c'est pas normal, tu viens d'arriver, tu dois être au mais taquet. Juste, mais c'est parce que je viens. Non, je serai au taquet d'ici le mois de mars. Ah oui, ça voilà, va, d'accord. Faut le temps que je me. Ah, mais au moins on est prévenu, tu vois. Voilà, mars-avril. Voilà, mars-avril. Bon, allez, l'invité mystère maintenant, écoutez bien, quel est l'invité mystère de ce matin? Quel est l'invité mystère de ce matin? Ça commence bien. J'en ai de la tienne. Elle est bonne, c'est la tienne, C'est celle de mon tonton, mais elle va bien. Ah, moi je veux bien goûter. Allez. Et je te donne une petite tête de skunk. Allez, cool. Voilà, c'est une invitée mystère, c'est une fille donc forcément. Elle est portugaise. Voilà. Et elle est accessoirement chanteuse. Ah, c'est pas moi qui choisis l'invité mystère, c'est top. Donc voilà, elle est portugaise également. Donc, et puis elle est accessoirement chanteuse. Mais alors vraiment accessoirement. Hein. Voilà, vous avez la bonne réponse, vous envoyez. C'est en trois lettres. Voilà, ah, j'en dis pas plus parce qu'après, ça sera un peu de l'abus. Vous avez la bonne réponse, vous envoyez ça au 6322. C'est 1€ le message. Écran plat, tablette, smartphone à gagner ce matin, comme d'hab. Et donc, l'invité mystère à découvrir. Et si tu changes une lettre, c'est une barre chocolatée. Si oui, tu changes. Oui, oui, oh là, oui. C'est vrai, c'est également de l'huile en anglais. Oui, à l'envers, hein, évidemment. À l'envers, hein, voilà. En verlan. Bon, allez hop, stop les indices maintenant. Vous avez la bonne réponse, vous envoyez ça au 6322. Donc, écran plat, tablette et smartphone. Et pour vous donner un conseil, vous pouvez jouer. Si vous voulez jouer et gagner, c'est le moment. Parce que comme on est le 13 août, c'est le début, c'est la première d'émission. Vous êtes peut-être 4 à écouter. Donc, vous avez plus de chances que pendant l'année où vous êtes beaucoup plus nombreux. Voilà, c'est un petit conseil comme ça au passage. Dans un instant, Madonna, turn up the radio. Il y aura aussi Connor Maynard. Et puis, les infos maintenant. C'est parti à 6h30. 6h31 même. C'est avec Audrey qui ne parlera donc. Pas bien entendu de cette compétition chiante. Bonjour à tous, dimanche matin, deux joggeurs ont fait une découverte pour le moins macabre. Ils ont en effet retrouvé le corps sans vie d'un trentenaire sur la plage de Knokke East. Selon les témoins, les pieds et les poings du cadavre étaient liés, un détail que le parquet de Bruges n'a pas voulu confirmer. Une autopsie a été ordonnée afin d'en savoir plus sur les circonstances du décès. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre corps a été découvert à la côte belge dans le courant de la journée de dimanche. Les deux cadavres ont été placés à la morgue en attendant l'autopsie qui aura lieu dans la journée. Les Belges continuent de protester contre la venue de Michel Martin au couvent des Sœurs Clarisse. Dimanche, près d'une quarantaine d'adultes et d'enfants ont mené une marche colorée dans les rues de Malone. Venus principalement de Charleroi et de Bruxelles, les manifestants ont effectué un lâcher de ballons de couleur. La marche s'est déroulée dans le calme et sans incident. Du côté du football, les Mauves ont réussi à battre le Cercle de Bruges, chose qui n'était plus arrivée depuis 2009. Anderlecht s'est imposé 0-3, une victoire qui leur permet de revenir à la première place à hauteur du FC Bruges et de Zulte Waregem. A noter également la victoire du Sporting de Charleroi face à Courtrai. Oui, quand même, la première fois, ça y est. Score final 0-1, et c'est comme tu dis, la première fois que l'équipe gagne en ce début de saison. Et puis enfin, magnifique match pour le Standard qui a battu Westland Beveren 3-1. Après 17 jours d'euphorie londonienne, les JO sont terminés. Et c'est pour le plus grand plaisir de Mickaël. L'heure est à présent au bilan sportif, mais aussi économique et urbain de cet événement qui aura coûté 12 milliards d'euros. Quelques 50... Quoi ? Oui, voilà, tu vois. Combien ? T'as vu ça ? Ils t'ont ennuyé pour 12 milliards d'euros. Mais quelques 55% de Britanniques sont déjugés que les JO valaient quand même le coup. Le village des athlètes doit maintenant être transformé en 2800 appartements. 5 nouveaux quartiers comprenant 8000 appartements doivent aussi sortir de terre dans les 20 ans qui viennent, dont 35% à loyer modéré. Et puis enfin, à l'étranger, un double tremblement de terre a fait samedi 227 morts et plus de 1300 blessés dans le nord-ouest de l'Iran. Les États-Unis et l'Iran ne sont pas les meilleurs amis du monde. Un accord n'a toujours pas été trouvé concernant la question du programme nucléaire controversé de Téhéran. Il n'empêche, les USA ont présenté dimanche leurs condoléances aux Iraniens et se sont dit prêts à aider le pays. Et il est 6h33 sur Fun Radio. Tiens, un petit message d'Ilias de Bruxelles qui dit « Ça fait plaisir de vous entendre ». Bah, c'est gentil, Ilias, ça fait plaisir que tu sois là aussi, hein. Oh, j'aurais pas cru, hein, en 13 août, en plein milieu du mois d'août. Bon, 6h34 dans un instant Madonna, et puis on passe maintenant à la météo. Eh bien, le temps sera chaud et lourd, avec par moments un peu de soleil. Les températures maximales seront proches des 27 degrés. Ah, c'est pas mal. Ça fait plaisir. C'est pas mal, effectivement. Allez, 6h34 sur Fun Radio, on va maintenant se faire l'info en plus. Quelle est l'info en plus? Alors, si je vous dis stop aux fesses à l'air, est-ce que ça te parle? Non, mais je suis contre hein, plutôt. Hein, parce qu'à la limite, c'est plutôt bien. Ouais, bien c'est sympa. C'est le bronzage, tout ça. Pourtant, c'est pratique, il y a des traces. La ministre de la Santé française, Marisol Touraine, a décidé de s'attaquer au problème des fesses à l'air à l'hôpital. Ah oui, à l'hôpital, oui. Tu vois l'image. Hein. En gros, elle veut interdire les blouses qui s'enfilent comme une cape chez le coiffeur et qui dévoilent généralement le derrière du malade. Ah oui, je vois bien. Ah oui, c'est tellement sexy en plus. Ça rend très sexy. Ah oui, très sexy. Ça dépend qui la porte. Oui, ça dépend qui la porte. Oui, bah bon, généralement, c'est les petits vieux comme ça, les pauvres, allez, franchement. Ouais, mais si elle est jeune et que tu la regardes derrière. Enfin, en général, quand on est jeune, on n'est pas à l'hosto. Enfin, normalement, en tout cas. Oh, bah tiens. Non, mais si, il y en a, mais bien sûr. Mais voilà, bah, y en a avec les fesses à l'air. Et donc, la ministre ne veut plus. Il en va de la dignité des patients, selon elle, hein, d'accord. D'ailleurs, toi, fais déjà à l'hôpital. Vous avez pu le remarquer. Il faut savoir que près de 7000 Français ont apporté leur soutien à cette noble cause. Bien sûr. Quoi, ils doivent se sentir concernés. Mais oui, c'est voilà. Normal en même temps. Hein. Bon, tu sais, c'est les Français en même temps. Il faut toujours qu'ils râlent. Hein, attention, les Français. Ah, tout de suite. Ça, c'est facile. Non, mais c'est vrai. Regarde les grévistes en général. Ouais, ça va. Mais c'est vrai. Non, c'est pas méchant, c'est un constat. Non, mais j'ai des choses à dire, c'est pour ça. Voilà. Bah, oui, bah, ça doit être ça, effectivement. Bon, allez, 6h35 sur Fun Radio. Bonne matinée, tout le monde. C'est Mickaël à la radio. Le retour maintenant jusqu'à 9h30, à l'heure à laquelle Lucas débarquera pour le self. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler, bien sûr. Et puis, on va se faire le son de Madonna maintenant, juste avant de vous rappeler le petit invité mystère de ce matin qui vous permettra de gagner votre écran plat, tablette ou smartphone. C'est après Madonna sur Fun Radio. Bonne matinée. Téléphone Radio, il est 6h37. Dans un instant, Connor Maynard avec Can't Say No. Il y aura Mathieu Stoll aussi avec Positif. Puis un message qui est arrivé. Coucou Audrey, est-ce que tu es célibataire? Mais bien sûr. Il faut répondre. Non, c'est pas la peine, je vais te le dire. Voilà, tu viens de le dire. Voilà c'est bah, ça. Si vous êtes discrète, ben ça c'est fait. Voilà, depuis peu, disponible, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Hein, vous envoyez. La chasse est ouverte. Voilà, c'est ça. Vous envoyez Audrey au 6322. Je ferai un tirage au sort tout à l'heure. D'accord. Donc vous pouvez y aller. Il y a pas de. J'ai un petit mot à dire quand même ou. Non, t'inquiète pas. De préférence, pas. Les yeux bleus et puis tout mignon. Hein, on s'en occupe. Ah, tu préfères les mecs aux yeux bleus? Oh, ouais, c'est comme Toff. T'annonces avec Audrey. Voilà, c'est bon, comme ça, il sera content. Voilà. Je suis là, je suis tout à toi. Il est totalement disponible. J'aime bien les mecs aux yeux bleus. Je sais bien, nous pourrons faire l'amour à la fin de l'émission. Ah, bah, elle est contente. Ah, ou pas. Bon, on verra. Bon, il faut bien essayer ta nouvelle mini. C'est ça, génial. Non, mais il paraît qu'il n'y a pas de place dedans. Ouais, t'inquiète pas, il y a toujours de la place. T'inquiète pas, moi, j'en trouverai. Ouais, c'est ça. C'est une question de gestion. C'est le frein à main, il y a toujours de la place. C'est une question de gestion, il n'y a pas de problème. Message qui dit, salut Mickaël, est-ce que tu crois à la fin du monde qui arrive en décembre? Non, mais non, il n'y a rien, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, on sera là en janvier. Enfin, normalement, je m'avance peut-être un peu, mais normalement, on devrait y être. Bon, l'invité mystère, c'est elle que vous devez découvrir, écoutez bien. J'en ai de la bonne, c'est la tienne? C'est celle de mon tonton, mais elle va bien. Ah, moi, je veux bien goûter. Allez, et je te donne une petite tête de skunk. Allez, cool. Voilà, donc elle est portugaise, ça veut dire son nom, là, son pseudo, prénom, enfin vous appelez ça comme vous voulez. C'est de l'huile en anglais quand on met à l'envers. Et bah voilà, elle est portugaise aussi accessoirement. Et elle est chanteuse, enfin en tout cas elle essaye. Pas toujours facile. Elle est un peu toxicomane aussi. Et oui, bon ça après. Voilà, donc un peu vous avez la bonne réponse. Quel est l'invité mystère? Comme je le disais tout à l'heure, vous avez plus de chances de gagner maintenant puisque c'est la première de l'émission, que c'est en plein milieu du mois d'août, qu'il y en a plein qui sont en congé. Donc forcément, il y en a beaucoup moins qui coûtent que pendant l'année. Donc si vous voulez tenter de gagner votre écran plat, tablette ou smartphone, eh bien vous envoyez la réponse maintenant. Quel est l'invité mystère? Allez-y, bonne chance. Et puis on va se faire comme promis maintenant à 6h40 sur Fun Radio, le son Dance Floor de Fun avec Connor Maynard. C'est Can't Say No. Maintenant sur Fun, bonne matinée. 6h43 sur Fun Radio, Can't Say No. C'est lundi 13 août, Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec le Fun Shaker qu'on aura l'occasion de shaker tout à l'heure. Il y aura le son de Mathieu Stone aussi avec P-Square qui arrive, ce sera positif. Et puis je vous rappelle aussi que nous allons avoir d'ici quelques instants la ligne anti-relou, sans oublier le remboursement de vos factures. Ce sera d'ici 30 minutes à peu près, retour de remboursement des factures. Si vous avez eu des grosses factures pendant l'été, là, Dieu sait qu'à mon avis vous avez dû en avoir, genre, je sais pas moi, le téléphone. Le téléphone par exemple, hein, comme Audrey, vous en avez eu pour 700 boules, et ben vous pouvez envoyer la facture, on sait jamais. Hein. Oui, parce que bon, Audrey, quand elle se déplace, elle oublie de couper, elle oublie de tout couper voilà. En fait. Hein, en donc, gros, c'est ça. Bah voilà, c'est ça. Je suis donc, en mode bisounours, je crois que ça coûte rien. Voilà, c'est ça, c'est gratuit. Génial. Ils vont me faire un prix, oui, voilà. Ah, bah, ils vont te faire un gros prix. Hein. Un énorme prix, tu vas voir, ça va être au top. Bon, donc du coup, si vous voulez tenter de vous faire rembourser votre facture, vous pouvez envoyer dès maintenant, si vous le souhaitez, facture au 6322. C'est 1€ le message, vous envoyez facture avec le montant et l'objet de la facture que vous voulez vous faire rembourser. Ça peut être de l'essence. intéressant, ça peut être genre l'addition de tous les péages, hein, si vous êtes parti en vacances genre en France, Espagne, Portugal, ça tout aussi, ça. Ça doit faire mal. Hein. Voilà, ça doit faire bien mal, je te confirme. Si ça peut être donc l'essence comme j'ai dit, ça peut être le coiffeur, ça peut être des vêtements, ça peut être l'addition du bar cocktail de l'hôtel, hein, où vous étiez pendant les vacances, si jamais ça peut fonctionner aussi. Bref, vous envoyez ça simplement au 6322 avec le montant et l'objet de la facture, et puis remboursement de vos factures d'ici 30 minutes, on appellera des gens au hasard, bien entendu. Matt Houston, c'est le son de Fun qui arrive dans un instant, et puis l'info trafic, je sais pas s'il se passe quelque chose maintenant, pas grand chose à mon avis, hein, Audrey et Joe Taquet. Non, rien de spécial. Non, donc c'est absolument pas regarder mais c'est pas du tout ce qui se passe. Mais enfin, c'est l'improvisation totale. Il ne se passe rien de spécial, sauf un feu de signalisation qui est en panne sur la 12 Antwerpen-Bruxelles à hauteur d'Arstelaar. D'accord. Genre, tu vas nous faire tous les feux en panne. Mais comme il se passe rien, je me suis dit, bon, ça fait attention, sympa. La lumière orange est en panne au carrefour, Léonard. Faites gaffe. Et oui, on nous signale la l'ampoule est en panne. De panneaux sans interdit également. Voilà, c'est ça. Donc faites attention, on ne sait jamais. Et non, mais c'est bien. C'est qu'Audrey, vous aurez le détail même. Hein. Voilà. Attention. On est dans le détail. On est dans le détail. Mais écoute, pour une fois qu'il se passe rien, bah, oui, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Bon, et puis la ligne anti-relou qui va débarquer dans un instant sur Fun Radio, comme promis avec le son Dance Floor de Fun. Matt Houston est positif. C'est ce qui arrive dans un instant sur Fun. Dans quelques minutes, c'est la ligne anti-relou dans Mickaël à la radio. Summertime. Tout l'été sur Fun Radio, passez prendre un cocktail au bar de la radio et faites-le plein de cadeaux. Secouez le shaker et repartez avec 10 écrans plats, des tablettes numériques, des lecteurs MP3, des serviettes de bain high-tech avec haut-parleur intégré et plein d'autres cadeaux. Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dès maintenant au 6322 en envoyant bar. Si vous passez à l'antenne, arrêtez le shaker du barman. Et c'est gagné! Merci, Fun! Cet été, les plus gros cadeaux sont au bar de Fun Radio. Envoyez bar au 6322. 1€ par message. Tout l'été, le son Dance Floor est sur Fun Radio. Fun Radio. Donnez-leur le numéro de la ligne anti-relou. 0473-86-0013. On vous passe les meilleurs messages. Et c'est tous les matins comme ça sur Fun Radio, les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 0013, au même moment où Audrey a failli se prendre un micro en pleine tronche. Faut quand même le savoir, ça. C'était pas discret, mais tu as quand même failli t'assommer avec le micro, donc ça commençait très bien après 19 minutes d'émission. Voilà. On se demande ce qui va se passer à 9h. Bon, retour donc de la ligne anti-relou. Les meilleurs messages sur le 0473 86 0013. Vous avez bien utilisé le numéro du répondeur pendant toutes les vacances. Et continuez d'ailleurs à l'utiliser. Dès que vous croisez un relou, vous lui donnez ce numéro, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, Toff l'a déjà bien noté, hein, avec Audrey comme nom dans son répertoire. Oui, enfin non, parce que c'est bizarre, j'ai ce numéro à plein de noms. Audrey, voilà, c'est ça. Audrey Charleroi. Thérèse, Bernadette, Martine, que des noms bizarres. Ouais, c'est, je comprends pas. C'est bizarre. Bon, allez, les messages, on les écoute maintenant. Le premier, on l'écoute tout de suite. C'est parti. Allô, ma cocotte, t'as aimé ça hier soir? J'aimerais bien que tu me fouettes mes petites fêtes de cochon. Mais non. Ah, c'était un message pour Audrey, visiblement. Apparemment, en tout cas. Ça me dégoûte le matin comme ça. C'est horrible. Alors que le soir, on a bien compris. Oui, rappelons que mademoiselle fréquente des endroits un petit peu libertins. Non, c'est pas vrai. C'est entièrement pour le boulot. Oui, bien sûr. C'est comme nous. Non, mais c'est comme nous quand on se déplace dans les clubs et l'endroit. C'est que pour le boulot. Voilà, hein. C'est ça, ouais. Mais on aime bien ça quand même. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Deuxième message laissé sur le 0473 86 0013. Oui, salut Christelle, c'est David, tu réponds plus. Voilà, j'espère que c'est pas parce que je t'ai dans la bouche. Voilà, je pense pas que ça peut être. Mais je pense pas, je pense que t'as aimé ça. Voilà, bon, dès que tu peux, rappelle-moi. C'est ok pour une autre partie. Ah bah oui, tu m'étonnes, il va pas dire non, hein, ça c'est clair. Voilà, donc les messages laissés sur la ligne anti-relou ce matin, ça commence bien, tiens, l'année démarre très très fort. Si vous avez envie de vous débarrasser d'autres relous, n'hésitez pas à balancer vos messages, bien sûr, au 0473 86 0013. Enfin, à balancer les relous sur ce répondeur, bien entendu. Dans quelques instants, les appels de Toff avec une petite modification cette année. Oui, c'est vrai, j'ai changé un petit peu le principe. On a changé un petit... Bon, toujours appeler les gens pour... Pas pour les emmerder, c'est pas vraiment ça, mais pour leur dire bonjour, c'est ça, pour les réveiller de bonne humeur. Voilà, non, c'est du bon pied. Ça, c'est juste horrible, quoi. Voilà. Encore une fois, j'ai des questions importantes à leur poser. Bon, en tout cas, on leur pose dans quelques instants sur Fun Radio. 6h51, bon réveil. Et Matt Houston sur Fun. Matthew Stone sur Fun Radio, 6h54, c'est Autumn House qui arrive dans un instant avec Million Voices. Et puis à 6h54, hein, dans quelques instants, la réponse à l'invité mystère qui vous permettra de repartir avec vos écrans, vos tablettes et vos smartphones. Et puis il y a déjà quelques personnes qui ont trouvé hein, ce matin, profitez-en comme je le disais. C'est le 13 août, c'est la première de l'émission. Il y en a plein qui ne sont pas encore au courant qu'on est de retour. Et puis il y en a plein aussi qui sont en vacances actuellement. Donc forcément, il y a moins d'auditeurs que d'habitude. Donc forcément, vous avez plus de chances de gagner. Eh oui, ça tombe sous le sens. Invité mystère, je vous la remets dans quelques instants. Mais avant cela, eh bien oui, faisons un tour du côté des appels. Les appels, vous savez, l'année dernière, Toff a mis l'année complète à faire des sondages, à se renseigner pour savoir si les gens préféraient, s'ils préféraient ça. Je dis n'importe quoi. Sur 1000 appels, il a peut-être eu 3 réponses. Oui, c'est ça. Mais le principal, c'était de persévérer. Voilà, c'est ça. Voilà, d'essayer d'aller jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Il n'a quasiment pas eu de réponse, mais il a été jusqu'au bout. Donc cette année, on a décidé de changer un petit peu. Ben, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que maintenant, j'ai décidé de poser des questions vraiment existentielles aux gens. Voilà. Et donc, ma première question, c'est une expérience que j'ai vécue la semaine dernière. Puisque j'ai essayé de serrer une meuf sur Facebook et donc j'avais essayé de supposer que j'avais des amis. Elle s'appelle Audrey. Non, elle s'appelle Adeline. Adeline ou Aline? Adeline. Adeline. Donc c'est pas Aline, c'est pas la nôtre alors. D'accord, voilà. Ok. Et donc, non, parce que là t'aurais réussi, mon femme. Voilà, c'est ça. Et donc J'espérais avoir des amis qui m'aideraient à avoir un rencard ce week-end. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, tu as beau avoir autant d'amis que tu veux sur Facebook, ça ne sert à rien. D'accord. Et donc aujourd'hui, je vais demander aux gens s'il est préférable d'avoir un seul vrai ami ou 1000 amis sur Facebook. Donc c'est la question existentielle du jour. Allez, c'est parti, on y va, on va appeler à Jupil. Allons-y. J'espère qu'ils se rendent compte de la chance. C'est le premier appel de la saison. Ah bah écoute, ça va leur faire plaisir. Allez, c'est parti, on appelle à Jupil. Réveiller à Jupil, ça, c'est pas gagnant. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voudrais vous poser une petite question. Oui. Oui, voilà. Je voudrais savoir si vous pensez que c'est préférable d'avoir un seul vrai ami ou 1000 amis sur Facebook. Allez, dormir. Moi j'aurais pris ça au pied de la lettre, aller dormir, j'aurais dit oui monsieur. Et j'aurais été dormir. J'aurais bien aimé. Voilà, bon on va le rappeler hein, parce qu'il a visiblement. Je suis pas sûr que tu sois d'accord. Oui. Mais il a peut-être pas compris la question. Ouais, voilà, j'allais dire. Excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que vous avez arrêté ou j'ai appelé la police. Mais je vois pas la. Vous avez compris vos téléphones à 6h du matin. Ça va pas chez vous? Bah si. Allez, ne téléphonez plus. Ah, s'il le dit comme ça alors. Hein, allez, ne téléphonez plus. Vous imaginez bien qu'on va rappeler. On rappelle encore une fois, c'est parti, retour à Jupil. Surtout qu'il répondrait. Oui, voilà. Terminé. Non. Allô? Oui, pourquoi vous le prenez comme ça, monsieur? Monsieur, vous m'avez réveillé, je travaille. Bah oui, mais enfin, moi, je vous appelle juste pour vous poser. Je vous emmerde. Arrêtez, je vais prendre votre numéro maintenant, je vais appeler la police. Ah. Vous avez compris? Mais enfin, monsieur. Ne téléphonez plus. Mais c'est pas gentil ce que vous dites. Je vous emmerde. Ne téléphonez plus maintenant. Mais c'est vulgaire, ça, monsieur. Ah ben voilà, il s'en fout, hein. C'est vulgaire peut-être, mais. Ouais. Tant pis. Bon, on fera la nouvelle appel tout à l'heure. Ouais, je suis dans moins d'une heure, question existentielle qui reviendra donc sur Fun Radio. Si vous avez envie qu'on appelle des gens que vous connaissez, n'hésitez pas bien sûr à donner les numéros au 3044 par SMS. On écoute le son de Autumn House maintenant, c'est Million Voices sur Fun. Et voilà la réflexion de Aline, donc la musique est bien, dommage qu'il n'y ait pas assez de paroles. Ouais, c'est. Mais ouais, c'est vrai que sachant que le titre s'appelle Million Voices. Ah voilà. Et qu'il y a juste Allez, 7h01 sur Fun Radio, excellent réveil tout le monde. Dans moins de 10 minutes, je rembourse vos factures pour la première fois cette saison. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez facture maintenant au 6322 avec le montant et l'objet de la facture. On fait ça d'ici quelques instants. On donnera la réponse également à l'invité mystère. Et puis on va s'écouter aussi le son de José de Rico avec Rayos del Sol. Et les infos d'Audrey arrivent dans 2 minutes. Dans 10 minutes sur Fun Radio, Mickaël paie vos factures. Envoyez facture au 6322, 1€ par SMS. Et il est 7h01 sur Fun Radio, c'est parti, les infos maintenant avec Audrey. Bonjour à tous, les JO sont terminés et on peut être fiers de nos athlètes belges. La Belgique aura en nombre ramené plus de médailles de Londres que de Pékin il y a 4 ans. Lionel Cox a décroché la médaille d'argent en tir à la carabine couchée. Charline Vasnik avait ouvert le compteur par une médaille de bronze en judo. Et enfin, Evie Van Schumacher est également monté sur la troisième marche du podium. Malheureusement, pas de médaille d'or pour notre pays pour ces JO 2012. Quel dommage. Les rebelles syriens ont opposé dimanche une résistance farouche aux troupes du régime de Bachar el-Assad à Alep. Quatre jours après avoir lancé son offensive terrestre pour déloger les rebelles d'Alep, les chars et les avions de combat de l'armée continuent de pionner plusieurs quartiers. Des affrontements marqués par plusieurs exécutions sommaires menées par les deux parties. Dimanche matin, deux joggeurs ont fait une découverte pour le moins macabre. Ils ont en effet retrouvé le corps sans vie d'un trentenaire sur la plage de Knokkeist. Selon les témoins, les pieds et les poings du cadavre étaient liés. Un détail que le parquet de Bruges n'a pas voulu confirmer. Une autopsie a été ordonnée afin d'en savoir plus sur les circonstances exactes du décès. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre corps a été découvert à la côte belge dans le courant de la journée de dimanche. Les deux cadavres ont été placés à la morgue en attendant l'autopsie qui aura lieu dans la journée. Les Belges continuent de protester contre la venue de Michel Martin au couvent des Sœurs Clarisses. Dimanche, près d'une quarantaine d'adultes et d'enfants ont mené une marche colorée dans les rues de Malone. Venus principalement de Charleroi et de Bruxelles, les manifestants ont effectué un lâcher de ballons de couleur. La marche s'est déroulée dans le calme et sans incident. Et puis, du côté du football, les Mauves ont réussi à battre le Cercle de Bruges, chose qui n'était plus arrivée depuis 2009. Anderlecht s'est imposé 0-3, une victoire qui leur permet de revenir à la première place à hauteur du FC Bruges et du Zulte Waregem. À noter également la victoire du Sporting de Charleroi face à Courtrai. Score final 0-1. C'est la première victoire de ce début de saison pour l'équipe Carolo. Et puis enfin, magnifique match pour le Standard qui a battu Westland Beveren 3-1. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Allez, 7h03 sur Fun Radio. On va dans quelques instants écouter José Enrico. Il y aura Rio aussi avec Nico pour Party Shaker. Et puis la météo maintenant. Quel temps pour aujourd'hui, Audrey? Eh bien, le temps sera chaud et lourd. Par contre, il sera particulièrement nuageux. Le soleil pointera le bout de son nez dans l'après-midi, mais bon, timidement. Et puis les températures maximales seront proches des 27 degrés. Ce qui est pas mal. Aussi. Dans l'absolu. Donc, bikini party pour Audrey tout à l'heure sur la terrasse du boss. Sans soleil. Ah, il va être content, lui. Hein. C'est ça. Ah, lui, il va être bien. Hein. Je crois que tu peux même lui faire acheter un transat. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Oui, je tiens à rappeler qu'Audrey bronze topless. Hein, exactement. Pour les gens qui habitent en face de la radio. Voilà, sur la terrasse du boss. Voilà. Exactement. Un Greg qui sera ravi aujourd'hui. Allez, 7h04 sur Fun Radio. On va se faire l'info en plus tout à l'heure. Et maintenant, d'ailleurs, l'info en plus. Bah oui. Ah, oui. Donc, j'ai failli zapper le dos, moi déjà. Bah, c'est le premier jour. Ah, bah voilà. Bah oui. Alors, l'info en plus, quelle est-elle? J'ai pensé à toi parce que tu nous as confié que tu voulais racheter Charleroi. Bon, bah, oui, oui. Voilà, si j'avais gagné à l'euro million, oui, j'aurais racheté Charleroi et j'aurais tout refait. Voilà. Bah oui, tant qu'à faire. Tu dis ça plus impact tout à l'heure. J'aurais tout refait. Bah oui, j'aurais tout refait, voilà, j'aurais tout rasé. Voilà. Bah oui. Bon, bah il faut savoir, tu peux pas racheter Charleroi pour le moment, mais bon, mais c'est je fais ce que je veux. Si j'avais 190 millions, je ferais comme je veux. Je fais que ce que je veux. Exactement. Mais si tu n'as pas, hein, oui, ça c'est sûr. Non, je confirme. Oui, ça aussi, je confirme. Donc, tu peux pas acheter Charleroi. Par contre, tu peux acheter une petite ville américaine habitée par deux personnes. C'est génial. Ah, c'est génial. Ça t'en rappelle pas, non? Ouais, bah aussi, pourquoi pas. Ça dépend, faut voir la tête des personnes, quoi. Ouais, puis faut voir la taille de la ville. Aussi. Bah, elle est toute petite, hein. Deux habitants, ça fait pas. Ça dépend, tu vois. Non, elle est toute petite, je te d'accord. confirme. Bon, elle s'appelle comment? Donc elle s'appelle, attends, parce qu'en plus, c'est pas compliqué du tout, le nom de cette petite ville, Gary Won. Voilà. Gary Won. Voilà, Gary Won. Ouais. C'est situé dans le Montana. Voilà. Ah non, je vais pas là-bas, moi. Ça va pas, non, mais c'est des dingues là-bas. Mais c'est génial, pourquoi? Qu'est-ce que ah ouais, ça va pas? Montana, ouais, mais y a ça va pas. Là, hein, c'est ça, merci. Bravo, ça c'est ouais. Bon, en fait, tu peux l'acheter si tu as en tout 250 000 dollars. Ah, ça va, c'est bon, c'est raisonnable, hein. Mais elle fait quelle superficie, on sait pas? On sait pas, non. Ils nous disent pas la superficie. Ah, si, 3 hectares. Ouais, ah, ouais, 3 hectares. Ouais. Ça fait cher l'hectare quand même. Ouais, finalement, ça fait cher quand même. Hein. Enfin, d'accord. Bon, tu peux être le boss d'une ville, quoi. 250 ouais, c'est vrai. 000 euros, c'est bon. On m'appellera Monsieur le maire. Voilà, Monsieur ouais, le maire. Je préfère Monsieur le maire. Je sais que c'est français parce que bourgmestre, j'ai du mal quand même. Voilà. Malgré Michael tout. City, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, Michael City, ça peut être pas mal. Ça peut le faire. Hein. Ça peut être pas mal. Voilà. Allez, 7h06 sur Fun Radio. Dans un instant, je rembourse votre facture. Donc, si vous avez acheté une ville, vous nous envoyez la facture, 6322 avec le montant et l'objet de la facture. Et je vous appelle dans un instant pour vous rembourser votre facture. Et comme promis, José Enrico arrive aussi dans un instant. Rayos del Sol sur Fun. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Il est 7h09 sur Fun Radio et comme promis, je rembourse vos factures tous les matins, 7h10, 8h10, 9h10. Vous en avez pris l'habitude toute l'année dernière et on remet le couvert évidemment cette année. C'est parti. On appelle quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 en envoyant facture en début de message. Et puis le montant et l'objet de la facture, ça peut être n'importe quelle facture. Hein. Facture des vacances par exemple. Hein. Genre vous avez été au bar de l'hôtel, vous êtes fait un peu plaise. Ça peut être la facture de l'essence, ça peut être l'assurance, hein, ça peut arriver aussi. Facture des ces genres de tous les les trucs qu'il faut acheter pour les enfants à l'école. Ça coûte bien cher aussi, ça. Ah ouais, hein. Et ça commence maintenant. Les trousses. La fourniture d'école, la fourniture scolaire, exactement. Tout ça, ça coûte bien cher. Donc, si vous voulez vous faire rembourser, hein, ça, j'ai donné des exemples, mais ça peut être n'importe quoi, vous envoyez donc facture au 6322. Allez, c'est parti, on y va et on va rembourser 60 euros maintenant. C'est le téléphone, tiens, c'est Audrey qui en parlait tout à l'heure. Voilà, allez, c'est parti. Tu peux jouer, oui. Allô. Allô, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Eh bah écoute, ma foi, plutôt bien, hein. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Comment tu t'appelles? Marine. Marine, et qui paye les factures le matin, Marine? Nickel, je Eh oui, effectivement. Bonne réponse, Marine. Tu repars donc avec le remboursement de ta facture. Et donc 60 euros chez Proximus, donc ça téléphone beaucoup visiblement. Hein. Ah, c'est quand j'étais en vacances. Ah, bah ouais, bah, il faut téléphoner moins. Hein. J'en connais une autre comme mais ça. Oui, ouais, bah oui, Marine. Tu as fait comprendre ton cas, les gens. Bah ouais. Je compatis à ta bon. Marine, tu as quel âge et tu es dans quelle ville, dis-moi? J'ai 25 ans et j'habite à Wavre. Et t'habites à Wavre, d'accord, ok, très bien. Parce que Toff peut te déposer le chèque de 60 euros en personne si tu veux. Je peux venir te l'apporter. Voilà. En liquide. Bien sûr, Toff. Bon, bah Marine, écoute, on va te rembourser. Tu es la première gagnante de l'année, mais qu'est-ce que tu fais debout un lundi 13 août à 7h du mat? Tu travailles? Je travaille. Oh, oui. Qu'est-ce que tu fais, ma pauvre? Je vais ouvrir Walibi. Ouais. Bah, peut-être, on va savoir. Tu fais quoi? Je vais ouvrir une école pour les plaines. D'accord, ok. Ah ouais, bah il faut qu'il y en a qui travaillent, hein, il faut. Bah oui. On n'a pas le choix. Bon, bah écoute, Marine, en tout cas, tu vas travailler déjà parce que tu as rapporté les 60 euros pour le remboursement de ta facture, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, on va te repasser l'aube au standard, on prend tes coordonnées, on te rembourse ça très vite, Marine. Je te fais des gros bisous. Oui, bisous. Bisous. Salut. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des gens de bonne humeur comme ça. Motivé le matin. Hein, ça change de Audrey Aline qu'on a vu ce matin arriver. Hein. Oh là là là là, je vous jure. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Dans un instant, on parlera de Secret Story, la maison des débiles. C'est juste après le son de Rio et Nico maintenant, Party Shaker. Rio avec Nico à l'instant sur Fun Radio, Party Shaker, 7h13. Et on est de retour sur Fun Radio. Et puis cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore sur leur transat, sur leur parasol là. Donc on est les seuls à être là ce matin en direct avec le morning qui est de retour. Donc il y aura Cisco dans un instant aussi avec Tong Song. On aura aussi le Ni Oui Ni Non, le retour. Ni Oui Ni Non, ni vous verrez bien avec Aline. On remet les compteurs à zéro maintenant, attention. Et oui, ah oui, bah, c'est normal, on remet tout à zéro. Donc si vous voulez, oui, parce que bon, Aline. Je repars sur des bonnes bases. Aline a été tellement mauvaise l'année dernière. Si, attends. Hein, Aline a été tellement mauvaise l'année dernière. On va rejouer dans quelques instants. Il y aura des iPods notamment à gagner. Et puis on va parler maintenant. Oh là là, il faut, hein. Il faut en parler. Ben oui, il faut qu'on parle de cette grande émission de l'été. Qui était. Enfin, qui est toujours d'ailleurs Secret Story. Ah ouais. Et faut le savoir. Et oui, Secret Story, la maison des idiots. Hein. Et encore, je suis super gentil quand je dis ça. Parce que pendant qu'on était en vacances. Oui, ça a continué évidemment et la voix a décidé de faire un petit test de culture générale aux habitants et comment vous dire les réponses étaient ça volait haut. Allez, je vous dis rien mais on va jouer entre nous. Alors écoutez bien. Quelle est la hauteur du Mont Blanc? Quelle est la hauteur du Mont Blanc? Alors une idée, on n'est pas obligé d'avoir la bonne réponse hein. Le but c'est de s'en approcher quoi à peu près hein. Donc pas d'idée. Non, Marie-Audrey. Ah, Wikipédia. Ah, c'est ça. Juste le temps d'une petite recherche sur Internet. On aurait pu tous aller dans la maison. Là. Ouais, on aurait pu aller dans la maison. Wikipédia. Bon, peu importe, c'est pas grave. Et bien sûr, TF1, il était plus petit que la réalité, quoi. 103 mètres. Ah oui, non, mauvaise réponse, oh. Julien. C'était quoi? C'était 4810 mètres. Pas loin, quoi. 500 euros de votre cagnotte commune. Et oui. Merci, Julien. À 2 mètres, j'étais. Ah oui, à 2 mètres. Ah oui, à 2 mètres. Ouais. À 2 mètres, il était pas loin, quoi. Entre 100 et 4000, ouais, il y a 2 mètres. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, allez, on s'en fait une autre vite fait là maintenant, c'est parti. Comment s'appellent les habitants de l'île de Madagascar? Eh oui, comment s'appellent les habitants de l'île de Madagascar, Audrey? Mais pourquoi toujours moi? Ah, parce que je fais le tour, t'es devant. Attends, moi, donc, je te demande. Pas, les Madagascariens. Voilà. Alors Aline? Voilà, j'irai pareil. Bah, c'est normal, ça ne m'étonne pas. L'aube? Les Malgaches? Les Malgaches. Ah, oh, on lui a soufflé. Et ouais, et ou bien il a regardé. Et oui, aussi c'est possible. Ah, il a été. Et bien, dans la maison, justement, la géo, c'est pas vraiment ça. Comment s'appellent les habitants de l'île de Madagascar? Les Indiens? Non, et oui, les Indiens. La voix te laisse une deuxième chance. J'ai entendu dit. D'ici. J'ai rien dit, hein. Bien sûr que non. Allez, vous avez perdu 500 euros. Allez, hop là, 500 euros de moins. Les Malgaches, effectivement. Eh oui, les Malgaches. Bonne réponse. Les Indiens, c'est pas loin, cela dit. Hein, hein? Au vu de la Terre, au vu de l'univers, c'est à côté. Oui, bon, c'est ça, on est par d'accord. Rapport à Mars. Voilà. Bah, exactement. Bon, allez hop, encore une petite question maintenant là. Comment se prénommait Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune? Eh oui, alors, comment se prénommait Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune? Pourquoi tout le monde me regarde? Louis Armstrong. C'est pas moi. Ah, le premier trompettiste à avoir marché sur la Lune. Mais Louis Armstrong. Mais je le fais exprès, ah, vous c'est êtes pas marrant. Voilà, ouais, ouais, ouais. Et donc, comment il s'appelle en vrai? Lance. Oh. Bon, allez, hein, non, pour Nadège et pour Audrey, c'était pas ça. Comment se prénommait Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune? Louise. Eh ouais, voilà, c'est ça. Louise, c'est encore là, c'est Louise. Eh oui, oui, parce qu'à l'époque, c'était avant l'opération, quoi. Oui, voilà, c'est pour ça. C'est Louise, en fait, qui était là-bas, et puis après, il a changé de nom, pour bref, une histoire. C'était le premier homme-femme à avoir voilà. marché sur la Lune. Bon, bah, cela dit, j'ai peut-être une explication pour ça, justement, n'est-ce pas, Johan? Bah, moi, j'ai pas eu mon bac, mais si j'avais pu rêver que j'ai mon bac et que je l'avais, ce serait cool, tu vois. Et oui, si tu avais à l'école, tu savrais hein, peut-être plus. Hein, tu en savrais peut-être plus. Et on va finir par la phrase sur Elise du jour. Qu'est-ce qu'il a dit, Julien? Il a dit à Nadège et à Yohann, il a dit Fanny et Salam et Sacha m'ont dit, il a dit que c'était toi et Sacha qui a dit ça à Julien. C'est Julien qui lui a dit ça, parce que, en disant que c'était Fanny et Sacha qui avaient dit ça. Parce que c'était Julien qui avait dit ça à Yohann, que Fanny et Sacha avaient dit ça. Voilà, c'est donc génial. Voilà. Donc, dans l'idée, si vous avez raté Secret Story, ce n'est pas grave. Bon, Cisco dans un instant sur Fun Radio et le ni oui ni non, ni vous verrez bien face à Aline. Des iPods entre autres à gagner. Si vous voulez jouer, vous envoyez oui maintenant au 6322 et on joue juste après. Bonne matinée sur Fun. Cisco à l'instant sur Fun Radio, retour dans les années. Ouais, fin 90 là, hein, avec la chanson de Toff, hein, chanson du string. Oui, oui. Song Song, c'était magnifique. Allez, Cisco à l'instant, dans un instant, ni oui ni non. Et puis je vous remets aussi, avant de donner la réponse, évidemment, l'invité mystère de ce matin. L'invité mystère, écoutez-la bien. Elle est bonne, c'est la tienne C'est celle de mon tonton, mais elle va bien. Ah, moi je veux bien goûter. Et je te donne une petite tête de skunk. Allez, cool. Allez, cool, voilà, si vous avez la bonne réponse, donc quel est justement l'invité mystère? Vous envoyez ça au 6322, c'est la réponse qu'on donne dans 4 minutes, 4-5 minutes grand max. Écran plat, tablette et smartphone à gagner, donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez la réponse au 6322. C'est 1 euro le message, elle est portugaise, elle a un nom, enfin nom, prénom, vous appelez ça comme vous voulez, en 3 lettres. Elle a été jury aussi de The Voice, et donc portugais j'avais dit. Et à l'envers, voilà. Ça fait oil. À l'envers, ouais. On disait que c'était de l'huile en anglais. Ah oui, c'est ça. Ah oui, mais toi, tu as la réponse, toi. Bah bravo. Bah non. Mais non. Mais pas du tout, enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Oh là là là. Comme si j'avais donné la réponse. Je sais pas. Je ne suis pas comme ça. Bravo. Mais c'est pas vrai. Voilà, le public t'applaudit, le public t'applaudit. Ouais, tu parles, ouais, c'est ça. Enfin, bon, vous avez la bonne réponse, vous envoyez ça au 6322. Jouons maintenant au. Et maintenant sur Fun Radio. Fun. Le ni oui ni non, ni vous verrez bien, avec Aline, la plus perdante de toutes. Exactement, la plus perdante de toutes, Aline ici présente. Changer le jingle bientôt. Non, pas du tout. Et nous allons jouer avec Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Salut. Comment Salut. Ça va, Jonathan? Super bien à vous. Bah ça va bien aussi hein, tranquille, c'est la première de la saison là et tu es le premier. Tu seras le premier à faire tomber Aline et ça c'est beau. Oh, oui, et ça c'est beau. Non mais ça va aller, j'ai confiance en toi, je suis sûr que tu vas pouvoir y arriver. Ça va aller mais vraiment. Évidemment, en tout cas, ça va j'espère. Aller. Bon, tu appelles Delia, tu as 24 ans. Ouais, tu appelles Delia, tu as 24 ans, t'es carreleur, Jonathan, tu travailles là ou tu vas travailler? Bien ça, j'ai travaillé, ouais. Bon, eh ben écoute, bon courage. Hein. J'espère que tu vas pouvoir y aller avec un iPod. Ça peut être plus sympa, le temps passera plus vite. Jonathan, on y va. Je te présente Aline. Aline, Jonathan, Aline. Enchanté. Le concept est simple. Une minute de discussion sans dire oui, sans dire non et sans dire le mot du jour. Ça. S-A ou C-A. Bon, S-A. Bon. D'accord. Voilà, S-A ou C-A, il ne faut pas dire ça. Donc genre, ça va, boum, c'est perdu. Ok? Ça marche. Le but est que tu lui fasses dire un de ces trois mots, bien évidemment, et de cette manière, tu repartiras avec les cadeaux. Une minute, attention, c'est pas pour t'encourager, évidemment, uniquement pour toi, Jonathan. Bip, bip. Voilà, allez, c'était mon encouragement. C'est parti, on y va, bonne chance. Jonathan ? Aline ? Comment on va ? Très bien, toi ? Super ! Tu fais quoi aujourd'hui ? Je vais travailler. T'aimes bien ton boulot? On peut dire oui. On peut dire oui. Oh là là, malheureux. Malheureusement, c'est perdu. On peut le dire, oui. Et ce qui est con en plus, c'est qu'en général, on dit toujours, c'est un mot qui sert à rien. On peut le dire. Exactement. Mais pourquoi dire oui derrière? C'est la pression, c'est la pression. C'est l'habitude, ouais. C'est l'habitude. Je me concentre après sur le ça va en fait. Bah ouais, c'est bien. Bien joué quand même. Mais oui, c'est ça toute la complexité du jeu. Bon, ben c'est perdu, Jonathan, malheureusement. C'est dommage, mais tu reviens quand tu veux, d'accord? Ça va, ça marche. Bon, salut Jonathan, à bientôt. Salut, bisous. Allez, salut, ciao à toi Jonathan et bonne journée à Liège. On embrasse d'ailleurs tous les Liégeois bien évidemment. On écoute Will.i.am dans un instant avec Eva Simon, ce sera This Is Love. Et puis attention aussi, la réponse à l'invité mystère, quelqu'un qui avait proposé une marque de chocolat. Ah oui. À une lettre près, hein. C'est dommage, c'était à une lettre près. Allez, 7h25 sur Fun Radio, bonne matinée, les infos d'Audrey, ce sera 7h30. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Bien dormi? Pour ça, il aurait fallu que tu ne ronfles pas toute la nuit. Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30. Exact, on est là sur Fun Radio, il est 7h28, Will.i.am, c'est le son Dance Floor de Fun qui va arriver dans quelques instants, ce sera This Is Love, on aura aussi la section d'assaut avec Ma Direction, et puis la réponse maintenant, et oui, c'est le moment, c'est l'instant, c'est l'heure de la réponse, bien sûr, à l'invité mystère avec la réponse, et c'est Christophe qui est avec nous de Charleroi, salut Christophe. Oui, bonjour. Comment ça va? Salut. Très bien, merci. Bon, bah tant mieux, sois bienvenu Christophe. On va jouer maintenant avec l'invité mystère. Je te remets l'invité mystère. Écoute bien l'invité mystère de ce matin. Elle est bonne, c'est la tienne C'est celle de mon tonton, mais elle va bien. Ah, moi je veux bien goûter. Allez, et je te donne une petite tête de skunk. Allez, quelle bonne nouvelle. Bon, c'est trop gentil. Mais oui. Alors Christophe, quel est l'invité mystère? Lio. Lio, effectivement, bah c'est une bonne réponse, hein, on l'avait dit. En même temps, Aline avait dit c'est Oil à l'envers. Ah bah oui, voilà, comme ça, évidemment. Mais donc, j'ai pas non, ça. T'aurais pu les plaire, ça aurait été à peu près pareil. Voilà, c'est ça. Bon, et bah, bravo Christophe, tu repars donc avec écran plat, tablette ou smartphone, qu'est-ce que tu choisis? La tablette. La tablette. Et bah voilà, elle est pour toi, il n'y a pas de problème. La tablette télé pour toi, Christophe, passe une excellente journée. Merci également. Et à bientôt. Et je rappelle qu'il y a une autre tablette à gagner également sur le Facebook de Fun. Si vous voulez tenter votre chance, on fait le tirage au sort à 9h30. C'est facile, il suffit simplement d'aller sur le Facebook de Fun Radio, facebook.com/funradio, et vous cliquez sur le logo Mickaël à la radio en toute simplicité. Will.i.am dans un instant. La section d'assaut va débarquer aussi dans un instant avec Ma Direction. On aura le vrai faux des stars également. Si vous voulez jouer avec nous, hein, vous pouvez vous inscrire dès maintenant si vous le souhaitez. Vous envoyez star au 6322, c'est 1€ le message. Et puis nous jouerons aussi dans quelques instants avec notre ami Jean-Luc Reichmann, qui est en pleine forme ce matin. Ah oui. Pleine forme ce matin, Jean-Luc. Allez, 7h30, dans un instant, la section d'assaut. Section d'assaut avec Ma Direction. Il y aura Will.i.am aussi avec Eva Simon. Ce sera This Is Love. Et là, il est 7h30 sur Fun Radio. C'est lundi, le 13 août. Première émission de la saison. Et les infos maintenant avec Audrey. Bonjour à tous, la Belgique rend un ultime hommage à Michel Dardenne ce lundi matin. Les obsèques de l'ancien ministre des Pensions aura lieu en 3 temps. Ce matin à 8h, il y aura la levée du corps de l'ancien ministre, une cérémonie qui se fera dans la stricte intimité familiale pour se rendre ensuite au crématorium de Robertmont. De nombreux politiques seront présents et ceux de toutes tendances. Elio Di Rupo prendra la parole en tant que représentant du PS. À l'issue de cette cérémonie, Michel Dardenne sera incinéré. Ses cendres seront déposées dans le caveau familial d'Aller où repose déjà sa maman. Un drame a été évité de justesse à Liège où un individu a tenté de faire exploser son appartement après avoir ouvert le gaz samedi soir. Heureusement, la fenêtre était restée ouverte et le gaz a pu s'échapper. Un incendie s'est toutefois déclaré. L'individu a pris la fuite par les toits de la rue. Il a finalement chuté et s'est gravement blessé. L'homme a été transporté à l'hôpital. L'incendie a rapidement été maîtrisé. Les rebelles syriens ont opposé dimanche une résistance farouche aux troupes du régime de Bachar el-Assad à Alep. 4 jours après avoir lancé son offensive terrestre pour déloger les rebelles d'Alep, les chars et les avions de combat de l'armée continuent de pionner plusieurs quartiers. Des affrontements marqués par plusieurs exécutions sommaires menées par les deux parties. Dimanche matin, 2 joggeurs ont fait une découverte pour le moins macabre. Ils ont en effet retrouvé le corps sans vie d'un trentenaire sur la plage de Knokke Est. Selon les témoins, les pieds et les poings du cadavre étaient liés, un détail que le parquet de Bruges n'a pas voulu confirmer. Une autopsie a été ordonnée afin d'en savoir plus sur les circonstances du décès. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre corps a été découvert à la côte belge dans le courant de la journée de dimanche. dimanche. Les deux cadavres ont été placés à la morgue en attendant l'autopsie qui aura lieu dans la journée. Et puis enfin, les JO sont terminés et on peut être fier de nos athlètes belges. La Belgique aura en nombre ramené plus de médailles de Londres que de Pékin il y a 4 ans. Lionel Cox a décroché la médaille d'argent en tir à la carabine couchée. Charline Vatnik avait ouvert le compteur par une médaille de bronze en judo. Et enfin, Evie Vanacker était également montée sur la troisième marche du podium. Malheureusement, pas de médaille d'or pour notre pays pour ces JO 2012. Oh, 7h32 sur Fun Radio. Dans quelques instants, l'info en plus. On jouera au vrai faux des stars également si vous voulez jouer avec nous. C'est pas très compliqué, hein. Vrai ou faux, 5 questions. Et il y a des iPods entre autres à gagner sur Fun Radio ce matin. Vous voulez jouer, vous envoyez star maintenant au 6322. On joue d'ici quelques instants. Le temps de se faire un point sur la météo. Les températures seront plus qu'agréables. Elles seront proches. Et oui, les températures degrés. Seront plus qu'agréables voilà. Ce mais matin. Vois, j'essaie de leur mettre la patate. Voilà. Bon, ça c'est pour mettre le sourire. Par contre, le soleil sera plutôt timide puisqu'on aura droit à des nuages jusqu'en début d'après-midi. Tu vois, tu portes la boisse. Mais oui, mais j'ai commencé par une bonne nouvelle. Bah oui. Tu vois, enfin, j'essaye, mais ça va quoi. Bah oui, mais ça va aller, c'est pas que grave. Je veux. Allez, 7h33, l'info en plus maintenant. Alors, Toff parlait tout à l'heure de décolleté. Eh bien, la journaliste Anne-Marie... Non, pas, Toff parle toujours. Bah oui, il parle de décolleté, mais une fois de plus. D'ailleurs, je suis très déçu que Mine écharpe pour faire une espèce de mais truc... Mais je me protège, parce que... Alors qu'il fait pétant de chaud, là. Oui, mais bon... Tout ça pour ne pas montrer son décolleté plongeant, je suis très voilà, déçu. Voilà, c'est ça, tu me fais peur. Ouais. Bah, par contre, tu peux te rincer l'œil avec la journaliste Anne-Marie Revol, qui présente la chronique best-seller dans l'émission de Télématin, tu vois. Anne-Marie... Voilà. On va regarder directement sur Internet. Déjà en train de flasher sur les photos. Voilà. En fait, cette journaliste avait opté pour une petite robe orange de saison, jusque-là tout va bien. Par contre, la responsable de France Télévisions a été visiblement choquée par le magnifique décolleté de la présentatrice. Ah oui, il a flouté. Oh là là, ils ont flouté carrément. C'est nul. Bah oui, bah c'est nul. Oui et non, ça dépend pour qui. Non mais ça va. Ça non, elle était pas seins nus quoi. Oui, pardon. Non, le décolleté était pas mal quoi. Ouais, d'accord, mais t'es pas seins nus quand même. Bah borderline, hein. Wow. Hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais, pas vraiment. Oh, bah enfin bon, soit ils ont pas été contents, ils ont décidé de flouter l'image, que ça vous plaise ou non. Une réaction, ça a provoqué des réactions du côté des spectateurs quoi. Bah oui, voilà, oui, par forcément. Exemple les hommes. Bah c'est ça, tu m'étonnes. Fort déçu de pas pouvoir mater un peu le décolleté. Tu m'étonnes. D'ailleurs, si vous avez M6, hein, je peux vous conseiller une nouvelle journaliste que j'ai vue hier soir pour la première fois dans 1945. Oh, dis donc, alors là. C'est vrai? Ah, bah. C'est autre chose que chez nous, hein. Ah, une petite brune, là. Pour ouais, le coup, voilà, c'est une brune. Non, mais elle est. Ah, 1945. Ah, non, hier soir. Ah, j'ai regardé les infos, j'ai même pas écouté ce qu'elle disait, mais c'est pas grave, hein, elle était pas là pour ça. C'est donc, Claire Marsac? Je sais plus comment, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle était très. Canon, était bien quoi, hier. Ouais. Ah, ouais, vachement bien. Allez, dans un instant sur Fun Radio, le vrai faux des stars, 7h34, et on écoute maintenant le son de Section d'Astro sur Fun Radio. C'est ma direction, excellente matinée, c'est lundi 13 août et on est en direct jusqu'à 9h30. J'ai demandé par section. Section d'Astro sur Fun Radio, ma direction, 7h36. Will.i.am et Eva Simon, je vous l'ai promis depuis tout à l'heure, ça arrive dans un instant avec This is Love. On aura aussi dans quelques instants notre grand nouveau jeu avec notre ami Jean-Luc Reichmann qui sera avec nous comme chaque matin. Ça fait plaisir que des gens comme ça soient avec nous, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, bon, il y a Julianne qui est avec nous. On dit Julien, comment on dit Julianne. Comment on dit? Non, Julian, c'est en espagnol. Bah, Julian. Bah oui. Ah, Julian, d'accord, ok, très bien. Bon, Julian, t'appelles de Dinan, toi, tu vas jouer avec nous. Tu es le premier à jouer avec nous au Vrai Faux des Stars. Tu t'y connais en people? Pas vraiment. Ça commence bien. Bon, en même temps, c'est pas très compliqué, hein, le concept Vrai Faux des Stars. Bah, t'as une chance sur deux à chaque fois, quoi. C'est ça le truc. Bon, alors, on fait comme l'année dernière aussi, il faut un minimum de réponses ou il faut 5? Allez, on peut dire 3. Ouais, bon allez, disons 3. Ouais, pour la première. On ajustera au fur et à mesure pour voir. Gratter, oh, on ajustera. Bon, alors, Julianne, donc tu réponds 3 sur 5 minimum et c'est gagné. Hein. On y va, première question. Vrai ou faux, pour que Sting vienne chanter à ton anniversaire, il faut le payer 1,5 million d'euros. Ouais, vrai. Vrai, t'es sûr? Bah, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne t'étonnerait pas, mais ça ne me dit pas si tu es sûr. Sûr, non, mais. Ah, c'est comme à l'école, ça. Il te met le doute. Non, je pose la question. Je ne veux pas que tu changes d'avis. Je te demande simplement si tu es sûr. Tu me dis oui, tu me dis non, point. C'est tout. Non, je ne suis pas sûr. Bon, bah donc tu restes sur le vrai quand même, alors. Ouais. C'est une bonne réponse. Ouais. Bonne réponse. C'est une bonne réponse. 1,5 million d'euros, vous avez de quoi vous cotiser. C'est le 19 avril, mon anniversaire. Donc... voilà, j'aime bien Sting. Ouais. C'est pas pour toi, là, c'est pour un Russe en fait. Ah, c'est dommage. Il va dépenser 1,5 million d'euros pour fêter son anniversaire. Alors, il a tout prévu, hein. Dîner de luxe, langoustes, champagne, le tout agrémenté d'un concert. Il reste des places ou pas? Ah, ben non. Ah, mince, dommage. Voilà. Tu ne fais pas partie. Bien être invité aussi. Bah oui, j'imagine. Oh, c'est dommage, ça aurait été sympa. Bon, pas grave. Question suivante. Alors, on écoute, c'est parti. Vrai ou faux, Jean-Claude Van Damme a eu une relation avec Kylie Minogue? Faux. Faux. Eh bien, c'est vrai. C'est dommage. Moi, ouais. Je savais pas. Bah, je vois pas trop ce qu'elle lui a trouvé, mais bon, c'est chacun le muscle, ses goûts. Le muscle. Ouais, le muscle. Et le mental. Le mental. Tu comprends, c'est ça. Il est aware. C'est le grâce à son brain qu'il a réussi. Exactement. Ouais. Donc, il s'est tapé Kylie Minogue, le cochon. En 94, tu vois. Ah oui, oui, ça fait longtemps. C'est du Jean-Claude Van Damme tout craché parce que, en fait, c'est un journaliste qui lui a fait cracher le morceau. Ouais. Bien qu'en fait, il l'avait avoué lui-même. Il y a plusieurs années. Vulgarité, ça me choque. Non, mais c'est bon. Je suis scandalisé. On parle quand même de Jean-Claude Van Damme. À ce moment-là, on peut tout se permettre, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vrai. Donc voilà, il l'a avoué alors qu'il l'avait déjà avoué plusieurs années avant, mais il l'avait oublié. Donc voilà. Oui, oui. Oh, j'ai oublié que je me suis tapé Kylie Minogue. J'ai oublié. Bon, vrai ou faux, une place de concert de Magali Vahe s'est vendue 100 000 $. De qui? De Magali Vahe. C'est grande star internationale. Tu te souviens pas? For sure. 100 000 $? 100 000 $, ouais, pour une place de concert, ouais. Faux. C'était effectivement une bonne réponse. Ouais, elle était facile, celle-là. Elle était simple, ouais. Il s'agissait de Madonna, en fait. Voilà, exactement. C'est l'association protectrice des animaux qui a mis en vente des billets pour Magali Vahe. Non, pour Madonna. On se moque pas. C'est important, la protection des animaux. Oui, oui, oui. Attends, je pensais que tu faisais une vanne de Momigo avec Magali Vahe. Mais bon, ça va alors. J'aurais pu, en fait. Bon, allez, question suivante. Vrai ou faux, Brad Pitt et Angelina Jolie sont mariés? Ils ne sont pas divorcés, eux. Ben, je sais pas. Est-ce qu'ils sont mariés ou pas? Non. C'est vrai que c'est la mode des divorces. Faux, et eh bien c'est une bonne réponse, ouais, effectivement. Bonne réponse. Pourtant les rumeurs circulent. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde dit qu'ils sont mariés, mais en fait, non, le couple aurait décidé d'attendre encore un peu avant de se passer la bague au doigt. Ça fait juste 5 ans qu'ils attendent. Ouais, c'est ça quoi. Bon, et en fait, la dernière maintenant, Julien, c'est que pour le sport, hein, puisque t'as déjà fait 3 sur 5. Vrai ou faux, comme Kristen avec Robert Pattinson, Selena Gomez aurait trompé Justin Bieber? Ouais, vrai. Vrai, vrai. Eh ben, c'était faux, non. C'est dommage. Ouais, faux. En fait, il y a des photos, c'est vrai, de Selena Gomez qui circulent. On y voit la belle embrasser un autre brun ténébreux qui n'est pas Justin Bieber. Voilà. Par contre, rassurez-vous, c'est pas une épidémie d'infidélité, c'est juste une mascarade. Il s'agit de photos prises lors du tournage, en fait. Voilà, exactement. Bon, enfin, c'est gagné quand même. Moi qui pensais qu'il y avait moins de CA Selena. Voilà, il est content. Bon, bah, bravo à toi, Julien. Tu vas gérer le cadeau avec Lob au standard, d'accord? Ok, merci. Salut, à bientôt. Ciao, Julien. Allez, salut tout le monde. Allez, bye bye. Et on se fait une petite balade maintenant, spéciale pour Toff et Audrey. Ah oui. Regardez, vous allez on pouvoir. On se fait un slow. Oui, allez, viens, on danse. Ouais, fais attention, elle ça peut. Prête, elle c'est de la radio, ça sert à rien. If you love it like Will.i.am à l'instant sur Fun, 7h43 et Sam Sparrow arrive dans quelques instants. Et nous allons maintenant jouer à ce grand jeu qu'est. Attention. Et oui, au pied du mur, vous connaissez le jeu, bien évidemment, qu'il y a sur TF1 avec Jean-Luc Reichmann. Avec un beau générique. Ah oui. Ça le fait, là. T'as vu un peu? Avec les trompettes et tout. Non, on est bien. Non, on est vraiment très, très bien. Moyens, eh oui, voilà, bon, on a les moyens, on les a pas. Aussi. Et oui, aussi, d'ailleurs, effectivement. Bon, alors, attention, donc, Jean-Luc Reichmann qui est avec nous, d'ailleurs. Hein. Que le spectacle commence. Exactement. Allez, c'est parti, attention, il y a des écrans plats, des tablettes et des smartphones à gagner ce matin. La question du jour est celle-ci. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous envoyez la réponse au 6322. Écran plat, tablette et smartphone à gagner. Jean-Luc, quand tu veux. Quel héros surnommé le Chevalier Noir? Christian Bale incarne-t-il? Et oui, quel est le... Quoi, Audrey, quand tu connais pas la réponse? Moi, j'aurais pas dû faire une grimace comme ça. Bah oui, c'est ça. Jean-Luc? C'est pas super, super, super évident. Non, si, ça va quand même. C'est pas non plus la folie, quoi. Je la répète. Enfin, Jean-Luc, répète-la. Quel héros surnommé le Chevalier Noir? Christian Bale incarne-t-il? Bon, vous avez la bonne réponse. C'est facile. C'est un film qui fait 2h45. Hein. C'est d'une longueur, hein. Sans nom. Et vous avez... y a des fusillades aussi. Et oui, vous avez la bonne... Oui, aussi, oui. Vous avez la bonne réponse. Vous envoyez ça au 6322, écran plat, tablette ou smartphone à gagner. C'est avec Jean-Luc Reichmann, bien évidemment, au pied du mur. Allez, on se fait l'infotrafic en attendant. Que se passe-t-il sur les routes? Eh bien, il y a une lampe qui est en panne sur l'autoroute. Ouais, faites attention, comme il y a plein soleil actuellement, l'ampoule est endommagée. Voilà, bon, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Ouais. On nous signale un objet encombrant sur le 42 à hauteur de Fleurus en direction de Mons. La bande de gauche est obstruée. Et puis un chantier sur le 411 à hauteur d'Overijse vers Luxembourg. Rabattement des trois bandes de circulation pour réaliser les abattages d'arbres et l'arasement de la végétation. D'importants ralentissements sont donc à prévoir dans la matinée. Comme chaque matin, l'abattage d'arbres, quoi? Ah bah écoute, on abat des arbres, ok? Et quoi? Avec la végétation là. Et la végétation. On rase la végétation. Ouais, parce qu'on va abattre la végétation. Voilà, on prend la végétation qui déborde. Bon, est-ce que je peux terminer mon trafic? On fait comme on veut. Hein. Je te rappelle que t'es là depuis aujourd'hui, donc tu vas pas commencer à te la ramener. Hein. Non, mais c'est surtout qu'on aimerait comprendre ce que tu dis. Mais on comprend tout à fait, c'est juste toi qui n'es pas réveillé. Ouais, ça doit être ça. Ok, ouais. Ça va. Bon, à Bruxelles, tunnel botanique et Rogier fermé vers la basilique, ça va, t'as compris? Ouais, et c'est puis, pas sûr encore. Un radar est signalé sur le 411 juste avant la sortie bouge en direction du Luxembourg au kilomètre 53, donc levez le pied. Très bien. Allez, dans un instant sur Fun Radio, c'est la ligne anti-relou et puis on va s'écouter aussi Sam Sparrow. Pendant que Audrey est déjà en train de danser comme si elle était sur le dance floor. Dans quelques minutes, c'est la ligne anti-relou dans Mickaël à la radio. 0473 86 0013. Yo, this is... C'est le numéro de la ligne anti-relou. Vous le donnez et quand il appelle, on le passe à l'antenne. 7h51 sur Fun Radio et c'est parti pour la ligne anti-relou avec le son de Nicki Minaj dans un instant et Sam Sparrow. Les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0473 86 0013. On écoute le premier message maintenant. Ouais, allô Juju, je t'appellerai après parce que là j'attends que ma copine elle part et après je suis à toi. Après je t'appelle parce que là elle est en train de couler un bronze aux toilettes. Voilà, et après je suis à toi et je t'appelle quand tu pars. La grande classe. Allez. Je t'appelle quand elle part, elle est en train de couler un bronze aux toilettes. Wow. Tout ça est bien mignon. Ah ouais, bon appétit hein, si vous êtes en plein petit déj, là on sait jamais. Message suivant, laissez. Comme quoi c'est des vrais relous. Hein. Laissez sur le 0473 86 0013. Tu m'as toujours pas rappelé. Je suis dans mon lit. Et je me touche en pensant à toi. Allez, bisous, rappelle-moi vite. Ah oui, bah oui. Ah, si vous laissez des messages comme ça, Audrey, elle va vous rappeler direct. Je crois qu'il insiste, Audrey. Hein. Mais oui, c'est urgent. Mais oui, Audrey, je suis là, je suis dans mon lit, je pense à toi. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Hein, ce serait avec grand plaisir, je t'attends avec impatience. Audrey? Non. André! Non! Quoi? Je comprends pas pourquoi. Moi, je tu... rappeler, hein. Bah oui, mais c'est normal, c'est normal. Allez, 7h52, dans un instant, les questions existentielles de Toff. C'est juste après Sam Sparrow qu'on écoute. C'est Happiness sur Fun Radio. Fun Radio avec Sam Sparrow, Happiness, 7h54. Nicki Minaj dans un instant avec Pound the Alarm. Et puis la réponse aussi à vous donner tout à l'heure, je vous ferai un petit rappel dans quelques instants. La réponse avec la question de Jean-Luc Reichmann, évidemment. Au pied du mur, c'est cette nouvelle émission qu'il y a sur TF1. Ça va durer tout le temps ou c'est que l'été? Ils savent pas en fait. Ah d'accord, bon on verra. Alors, ça on verra ça bien. Dépend si ça marche et comme ça marche bien, peut-être que ça peut-être va continuer. Peut-être qu'ils vont continuer. Bon, on verra bien. C'est un peu TF1, tu sais, ils font planer le doute. Oui, oui, bah c'est ça. Bon, on verra. En tout cas, on va jouer jusqu'à la fin du mois d'août avec Jean-Luc Reichmann et peut-être plus. On verra bien. Bon, allez, en attendant, c'est la petite vérification de la question existentielle. Mais hein, oui. Question mais existentielle oui. Du jour. Que j'ai été très déçu ce week-end. Enfin, bah oui. Oui, c'est ça. Bah oui, j'essaie de. Qui a été méchant avec toi? Bah, tous mes faux amis, puisque j'espérais qu'ils m'aident à avoir un rencard et non, je n'ai rien. Vu. Que dalle. Audrey est ouais. Là. Bah oui, maintenant Audrey est là. Mais c'est vrai, heureusement que tu es là, Audrey. Bah voilà, c'est ça. Je vais pouvoir me consoler avec toi, puisque je n'ai pas pu avoir Adeline. Ça fait vraiment peur. C'est normal. La fenêtre est grande ouverte. Tu peux sauter au à tout moment, sache-le. Bon, on avait appelé tout je à l'heure. Je savais que je faisais toujours cet effet-là. On avait appelé à Jupille-sur-Meuse tout à l'heure. Oui. Le gars t'a dit, casse-toi, je vais appeler la police. Mm-hmm. Voilà. Et donc, on va appeler à 1000 morts. On ne fait pas la même vanne qu'on a fait l'année dernière. On avait déjà appelé à 1000 morts. On avait déjà fait des vannes à base de morts. Tout ça, ça n'avait pas de sens. Aucun. Je n'y vois aucun. Rapport. Bah oui, moi non plus. Allez, c'est parti, vérification, question existentielle du jour maintenant. On appelle pour savoir en gros s'il est préférable d'avoir plein de faux amis sur Facebook ou un seul vrai ami. Voilà, on y va, c'est parti. Quand on avait dit que c'est une question existentielle, c'est une question existentielle. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, vous allez bien, je ne vous réveille pas. Non, parce que je vais réveiller. Ah bon, bah, parfait. En fait, je vous appelais parce que je voulais vous poser une petite question. Oui. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir si vous pensiez que c'était mieux d'avoir un seul vrai ami dans la vraie vie ou 1000 amis sur Facebook. Tu vas prendre des coups de boule, toi. Pardon, monsieur? Tu Mon téléphone est after, c'est pour poser la question débile comme ça. Mais ce n'est pas une question débile, monsieur. Je veux juste savoir si vous pensez que c'est mieux d'avoir un seul vrai ami ou 1000 amis sur Facebook. Mais allez-vous faire foutre, vous voyez. Oui, oui, oui. Mais ça ne répond pas à ma question, ça, monsieur. J'en ai rien à foutre de votre question. Maintenant, vous lâchez les baskets. Allez, au revoir. Ah, mais non, bon, visiblement, il n'est pas très ouvert à la discussion. Mais on va le rappeler quand même. Hein. On va le rappeler, Juste pour avoir un peu plus d'informations. Mais on a bien compris que tu devais aller te faire foutre. Ça va aller ? Oui, mais oui, moi ça va aller, monsieur. Mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas répondre à ma question. J'en ai rien à foutre de votre question, vous sonnez pour ça, c'est. Mais oui, moi je sais bien que vous, ça ne vous. C'est moi qui me pose la question. Et donc je voudrais que vous m'aidiez à trouver une réponse. Présentez-vous d'abord. Je m'appelle Toff et vous vous appelez comment ? Ça ne vous regarde pas. Bah alors pourquoi moi je devrais. Vous avez un problème dans votre cerveau, je crois, non ? Mais pas du tout, monsieur. Il n'y a pas d'autre heure pour poser des questions débiles pareilles. Non, enfin, j'avais bien essayé à d'autres heures, mais je me pose moins de questions à ces heures-là. Ouais, ben moi je me pose beaucoup de questions. Ah, et peut-être que vous avez une réponse à la mienne alors ? Non, je vais pas vous la donner parce que j'ai pas envie. Maintenant vous me lâchez parce qu'elle pour sonner encore une fois. Je vais faire une enquête pour vous. Ah, oui. Vous avez la chance de ne pas être en face de moi. Ah bon, pourquoi ? Parce que vous êtes con. Parce que vous êtes con. au moins, ça le mérite d'être clair. Bon, bah, vérification tout à l'heure, on rappellera. Hein. Bah oui, oui. Bah oui, c'est ça, la question existentielle. Bah ouais, la question existentielle du jour revient tout à l'heure sur Fun Radio. Je vous rappellerai également la question de Jean-Luc Reichmann où quelqu'un proposait Zorro. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C'est pas loin. Si, c'est loin finalement. Un peu quand même. Bon, c'est un super héros, mais c'est pas Zorro en l'occurrence. On fait ça après Nicki Minaj. Pound the alarm sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h, bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, lundi 13 août, on est de retour depuis ce matin en direct sur Fun. Et puis on a toujours évidemment la question de Jean-Luc Reichmann ce matin, au pied du mur. Jean-Luc qui avait posé une question qui est... C'est pas super, super, super évident. Si, c'est pas, il y a pire quand même malgré tout. On écoute maintenant la question, Jean-Luc, la question du jour. Quel héros surnommé le Chevalier Noir ? Christian Bale incarne-t-il ? Eh oui, c'est actuellement au cinéma, c'est un film qui est long, qui est long, qui est long. Mais qu'est-ce qu'il est long ? Mais qu'est-ce qu'il est bien ? Oui, bon, ça, oui. Je l'ai pas vu après. Mais... Bah, j'ai pas vu, moi, je peux pas dire. Mais il est très très long. Voilà, si vous pensez avoir la bonne réponse, vous n'hésitez pas, bien entendu. Vous envoyez la réponse au 6322. C'est 1€ le message, ce n'est pas Zorro. C'est un style de Superman, tout ça, machin là, tu vois. Bah, un autre héros vêtu de noir. Exactement, voilà. Voilà, chauve-souris, il est en deuil. Exactement. Ouh, il a dit chauve-souris. Oui, c'est un animal. Alors là, s'il trouve pas. T'as vu comment elle est ? Pas quoi ? T'as vu comment elle est ? Hein, je pense que Aline peut nous épeler peut-être le nom histoire que. Mais oui. Allez, 8h01, si vous avez la bonne réponse, écran plat, tablette ou smartphone à gagner. Donc ce matin, vous y allez. Donc la bonne réponse au 6322. Bonne chance tout le monde. Et on écoute dans un instant le son de Maroon 5 sur Fun Radio avec Payphone. Dans 10 minutes sur Fun Radio, Mickaël paie vos factures. Envoyez facture au 6322, 1€ par SMS. Et il est 8h02 sur Fun Radio, les infos maintenant avec Audrey. Allez, allez, c'est parti. Bonjour à tous, après 17 jours d'euphorie, londonienne, les JO sont terminés. Bonne nouvelle. Présent au bilan sportif, mais aussi économique et urbain de cet événement qui aura coûté 12 milliards d'euros. Et oui, 12 milliards. T'as vu comment on insiste pour, tu vois, la pilule fait mal. Mais voilà. Je te confirme. La pilule fait mal, mais quelques 55% de Britanniques sont des juges que les JO valaient quand même le coup. Le village des athlètes doit maintenant être transformé en 2800 appartements. 5 nouveaux quartiers comprenant 8000 appartements doivent aussi sortir de terre dans les 20 ans qui viennent, dont 35% à loyer modéré. Dimanche matin, deux joggeurs ont fait une découverte pour le moins macabre. Ils ont en effet retrouvé le corps sans vie d'un trentenaire sur la plage de Knock East. Selon les témoins, les pieds et les poings du cadavre étaient liés, un détail que le parquet de Bruges n'a pas voulu confirmer. Une autopsie a été ordonnée afin d'en savoir plus sur les circonstances exactes du décès. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre corps a été découvert à la côte belge dans le courant de la journée de dimanche. Les deux cadavres ont été placés à la morgue en attendant l'autopsie qui aura lieu dans la journée. Les Belges continuent de protester contre la venue de Michel Martin au couvent des Sœurs Clarisse. Dimanche, près d'une quarantaine d'adultes et d'enfants ont mené une marche colorée dans les rues de Malone. Venus principalement de Charleroi et de Bruxelles, les manifestants ont effectué un lâcher de ballons de couleur. La marche s'est déroulée dans le calme et sans incident. Du côté du football, les Mauves ont réussi à battre le Cercle de Bruges, chose qui n'était plus arrivée depuis 2009. Anderlecht s'est imposé 0-3, une victoire qui leur permet de revenir à la première place à hauteur du FC Bruges et de Zulte Waregem. A noter également la victoire victoire du Sporting de Charleroi face à Courtrai, score final 0-1. C'est la première victoire de ce début de saison pour l'équipe Carolo. Et puis enfin, magnifique match pour le Standard qui a battu Westland Beveren 3-1. Et puis à l'étranger, un double tremblement de terre a fait samedi 227 morts et plus de 1300 blessés dans le nord-ouest de l'Iran. Les États-Unis et l'Iran ne sont pas les meilleurs amis du monde. Un accord n'a toujours pas été trouvé concernant la question du programme nucléaire controversé de Téhéran. Il n'empêche, les USA ont présenté dimanche leurs condoléances aux Iraniens et se sont dit prêts à aider le pays. Ah ben voilà, très bien, mais oui, mais elle me fait des signes comme si elle faisait atterrir un 747 là. Excuse-moi, j'étais en train de faire autre chose. Bah voilà, t'étais distrait. Non, pas du tout. Bah si. J'étais en train de mettre un post sur Facebook pour faire gagner une tablette numérique. D'accord, donc ça va arriver. Alors excusez-moi. Bon, allez, la météo maintenant, 8h04. Après le magnifique temps auquel nous avons eu droit ce week-end, place aux nuages cet après-midi. Le vent sera généralement faible dessus, des directions variables, et les maxima seront compris entre 22 et 27 degrés. Et voilà, donc Audrey la poisseuse, son premier jour là maintenant avec nous, et déjà il va faire mauvais. Voilà. On la remercie, tiens. Je peux tout expliquer. Ouais, ouais, c'est ça. Maroon 5, lors d'un instant, et Wiz Khalifa, ça sera Payphone. Je rembourserai vos factures aussi dans moins de 5 minutes. Vous voulez tenter votre chance. Tout comme tout à l'heure, hein, c'est Marine, je crois, qu'on a remboursé, si mes souvenirs sont bons. 60€ pour une facture de téléphone pendant les vacances. Donc, si vous voulez vous faire rembourser une facture, quelle qu'elle soit, vous envoyez facture au 6322. Allez, c'est parti, l'info en plus maintenant. Eh bien, un bulldog a été victime du pire attentat de porc épic connu jusqu'à présent. Le chien a été mis KO à grands coups de piques au visage et sur le corps. Plus de 500 piques au total que les médecins ont eu beaucoup de mal à enlever. Une chance dans son malheur, le chien aurait pu être touché aux yeux et perdre la vue, ce qui n'était pas le cas. Allez voir les images sur le net, ça fait quand même peur. Non. Et 500 piques, ça fait mal quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Je sais pas si t'imagines. Ouais. Voilà. Non, j'imagine pas. On va aller voir les photos, franchement, c'est assez expliqué. Bon, on va les mettre bien sur... Bah, tu vas me les envoyer, d'accord, je vais les mettre, on sur, va le les mettre sur le Facebook. Ah oui, c'est voilà, vrai. Comme ça vous verrez, ça sera plus simple. 8h05 sur Fun Radio. Allez, c'est parti. Maroon 5 et Wiz Khalifa, Payphone, c'est dans 30 secondes sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Tous les matins. Radio paye vos factures. Mais oui, tous les matins, c'est comme ça sur Fun Radio. J'appelle chez vous, je rembourse vos factures. Le concept est simple. Vous avez une facture, ça vous saoule de la payer ou vous n'avez peut-être pas les moyens de la payer, ce qui arrive également, c'est pas Audrey, avec son téléphone. Bah oui, écoute, ça me fait encore mal, là, tu vois. Mais c'est parce qu'elle, elle ne se rend pas compte. En fait, quand tu appelles, ça coûte de l'argent. Exactement. Voilà, surtout quand t'es hors Union Européenne, comme ça, tu dis, bon, ça doit être... Oh là là, ça y est, tout ça pour se la ramener. Elle est blindée, elle peut partir ailleurs qu'en Europe. Alors, elle est comme ça, en fait, c'est ça. Mais elle a du mal à payer sa facture. Voilà, ça vient juste de me ruiner, là, tu vois. Ouais, d'accord. Tu partiras plus en vacances pendant au moins 2 ans. Ah, je crois qu'elle va dire pendant au moins 2 semaines. Parce que bon, il y a un moment, tu vois, faut que je me remette, tu vois ce que je veux dire. Bon, donc si vous voulez, maintenant, elle fait call girl pour payer sa facture. C'est ça. Bon, allez, si vous voulez vous faire rembourser votre facture, donc vous envoyez facture au 6322. Bon, pour cette fois-ci, c'est trop tard, mais pour 9h10, par exemple, c'est possible. Et comme je l'ai déjà dit, en plus, vous avez plus de chances de gagner pendant les prochains jours, aujourd'hui et les prochains jours, puisque comme c'est encore les congés, bah, y en a plein qui n'écoutent pas spécialement la radio parce qu'ils dorment ou parce qu'ils sont en vacances, justement. Donc, vous avez plus de chances ce coup-ci. On y va, on appelle. C'est parti. Celui ou celle qui va décrocher maintenant repartira donc avec le remboursement de sa facture. En l'occurrence, là, c'est près de 50€ là, pour Internet. Bien cher, hein. Allez, on y va. Si il ou elle décroche. Allô, allô, bonjour. Qui paye les factures le matin? C'est Mickaël. Eh oui. Eh oui, bonne réponse. Bravo. Comment tu t'appelles? Claude. Claude, bah bienvenue Claude. T'es dans quelle ville? T'as quel âge, dis-moi? Je viens de l'Aube, j'ai 31 ans. L'Aube, c'est la région de Charleroi. D'accord, ok, très bien. Je croyais que tu disais que tu venais de l'Aube. Oui, moi qui bosse avec nous, je me dis tiens. Ouais, ouais, ouais. Il fait des trucs bizarres. Je vis dans l'Aube. Ouais, c'est ça. Non. Bon, eh ben écoute, on va te rembourser ta facture. Alors, c'est 49,40€, c'est ça, l'abonnement internet? C'est ça, oui. Bien cher, l'abonnement internet. Ah, ouais. Bah, il faut télécharger moins, hein. Non. Non, monsieur. Réflexion, mais non. J'achète tout en vidéo on demande. Il y a pas de problème, vous inquiétez pas. Bon, eh ben écoute, on va te rembourser ta facture. Tu restes bien au standard, d'accord? D'accord, pas de problème. Allez, excellente journée à toi et à bientôt. À vous aussi, à bientôt. Allez, salut, ciao. Et puis on revient dans un instant sur Fun Radio. 8h11, dans quelques instants, on jouera aussi au Free Code Game. Car oui, bien sûr, il est de retour, le Free Code Game. Yes, ça tombe sous le sens. On pouvait pas faire sans. Bah non, on aura toujours les écrans, les tablettes, les smartphones à vous offrir, bien entendu. Et puis on écoutera Justin Bieber et bien sûr aussi le son de Rihanna dans un instant. Avec Where Have You Been? Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Tous les matins dans Mickaël à la radio, c'est la journée internationale de Pierre. Mais oui, la journée internationale de Pierre, et c'est les meilleurs moments de la journée internationale de l'année dernière. Oui, lui est encore en vacances. Hein. Il est encore en vacances, et d'ailleurs, on n'est pas à l'abri de lui passer un petit coup de fil, parce que c'est vrai qu'il est. Parce que monsieur est blindé, monsieur est en Californie. Donc il y a 9h de moins, donc il est 23h. Donc on va essayer de l'appeler tout à l'heure, hein. On va essayer de lui passer un petit coup de fil pour lui demander quand est-ce qu'il vient travailler, parce qu'il y a un moment. Bon, ça. Faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, tu vois. Bien qu'il y ait des gens qui bossent un peu. Bah, c'est ça. Bon, journée internationale de Pierre, vous connaissez le principe ou pas. Si vous connaissez pas, je vous l'explique. Il appelle des gens simplement pour leur poser aussi des questions et parler avec eux de manière cordiale, bien évidemment, comme d'habitude. Et donc là, si vous avez décidé de partir en Corse, par exemple, qui est un très très beau pays, hein, parce que ce n'est pas une région, c'est un pays, il faut le savoir. Donc si vous avez décidé d'aller en Corse, eh bien, ils ne sont pas toujours tous très ouverts. Quand on les emmerde, en tout cas, ils sont très gentils, il ne faut pas les emmerder. Par exemple, avec Pierre, là, regardez. Bonjour, bienvenue au Pêche-Chevrolet Hyundai. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Tic, tac, tic, tac. Ah, je ne sais pas. La bombe corse. Ah. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Très bien, bonne journée, au revoir. Au Pêche-Chevrolet Hyundai, bonjour. Bonjour, bon, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge. Ok, c'est pourquoi, monsieur? Parce qu'on ne va pas perdre de temps, là. C'est pourquoi, je vous écoute. C'est juste pour faire boum avec moi. Vous voulez pas? Ok, je vous laisse. On s'explose la tête à deux. Tic, tic, tic, boum. Ça va très bien. Au revoir. On appelle Chevrolet Hyundai, bonjour. On a différents types de bombes. La classique, l'antipiste. Non, mais je vous explique juste. Vous êtes sur un standard téléphonique avec beaucoup de monde qui appelle. Ça fait trois fois. Donc la quatrième, on laisse pas passer. C'est-à-dire, on a la bombe guidée, la bombe chimique. On appelle Chevrolet Hyundai, bonjour. On a la bombe de marquage, la bombe à neutrons. Oui, et tu as pris tes cachets ce matin? Gros con, hein. On a la bombe nucléaire aussi. Ouais. Vous faites quoi d'autre ici? Bon, on va appeler les flics, hein. Là c'est trop long. Hein. Ça fait courir, hein. Essaye d'appeler les flics, tu vas voir, moi je te mets une bombe au cul. Hein. Ouais, ben viens la mettre, viens maintenant. Hein? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, ouais, boum! Allez, au cloche. Ouais, au cloche, moi aussi je peux prendre l'accent corse, hein. Enculé! Oh, calme-toi! Enculé! Tu veux mourir toi et tes gosses ou quoi, espèce de gros connard? Mais t'as pas compris, c'est moi qui ai la bombe! Écoute, je la déclenche! Mais tu veux mourir ou quoi maintenant quoi? Écoute le tic-tac! Mais tu habites où, espèce de grosse pute? Ça va péter! Espèce de nordiste de merde! Hasta la vista! Tu veux, je vais te trouver, enculé! Le Corse! Ah, ça a coupé malheureusement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est dommage. Je pense que nous avons perdu Pierre au passage, ce qui est bien malheureux. Allez, 8h18 sur Fun Radio, on écoute Justin Bieber maintenant sur Fun Radio. C'est parti avec As Long As You Love. Oh yeah. Et alors là, Aline est là. Ah, Justin. Oh, ah, Justin. Plus ou moins. Ah, Justin. Ah, fais pas genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Justin Bieber à l'instant sur Fun, 8h21 et c'est vrai qu'on n'a pas encore joué, tiens. Jouez maintenant avec le barman de Fun Radio, Fun Shaker, et envoyez bar au 6322, 1€ par message. Et ouais. Si vous voulez venir jouer avec nous, le barman, c'est moi-même. Oh, wow. Voilà, donc profitez-en bien. Grand pas. Spécialiste du cocktail. Exactement, premier sur le mojito. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Mais on attend. Bon, ben oui, pas de problème. Moi, si tu me chauffes, moi j'en fais un le matin, on le boit. Matin, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. T'attends demain? D'accord. Demain, on fait mojito party demain matin. On note. Demain matin, mojito party à la radio. Ça va être beau. T'inquiète, Aline, tu vas voir. Tu sais que le premier qui vomit. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Aline ne passera pas la journée. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, donc si vous voulez jouer avec nous au Fun Shaker, c'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez bar au 6322 et on joue dans un instant. Il suffit de secouer le shaker et si vous êtes tiré au sort, enfin, si vous passez à l'antenne avec moi, vous êtes d'office gagnant de quelque chose. Ça peut être un écran plat, ça peut être une tablette, ça peut être une serviette high-tech, ça peut être une caméra vidéo, ça peut être n'importe quoi. Si vous voulez jouer, vous envoyez simplement bar maintenant, BAR au 6322 en vous souhaitant bonne chance. Et puis on va également dans quelques instants prendre quelqu'un au téléphone pour la réponse à la question de notre ami Jean-Luc Reichmann, puisque sa question aujourd'hui était celle-ci. Quel héros surnommé le Chevalier Noir? Christian Bale incarne-t-il? Et oui, si vous avez la bonne réponse, hein, c'est pas super super super non, évident. Ça va, c'est pas non plus super super super compliqué, Jean-Luc. Bon, donc si vous avez la bonne réponse, quel est ce super héros qui est encore à l'affiche d'un long film? Il fait 2 minutes 45. Très long film. Oui, parce que là c'est un peu discret. Hein. Bon, si vous avez donc la bonne réponse, vous envoyez cette réponse justement au 6322. C'est 1€ le message. Donc on compte sur vous. Si vous voulez jouer avec nous, n'hésitez pas. Écran plat, tablette, smartphone, tout ça c'est à gagner ce matin. Bonne chance tout le monde. Allez, on va se faire dans quelques instants le son de Florence and the Machine. C'est très très bon ça, avec Spectrum Say My Name. Il y aura aussi Gillo avec Florida pour Going In, ou encore D-Bungie aussi avec Oliver Twist. Et ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Summertime. Tout l'été sur Fun Radio, passez prendre un cocktail au bar de la radio et faites-le plein de cadeaux. Secouez le shaker et repartez avec des écrans plats, des tablettes numériques, des lecteurs MP3, des serviettes de bain high-tech avec haut-parleur intégré et plein d'autres cadeaux. Pour tenter votre chance, inscrivez-vous dès maintenant au 6322 en envoyant bar. Si vous passez à l'antenne, arrêtez le shaker du barman. Et c'est gagné! Merci, Fun! Cet été, les plus gros cadeaux sont au bar de Fun Radio. Envoyez bar au 6322. 1€ par message. Tout l'été, le son Dance Floor est sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio 8h29, Florence and the Machine. Dans quelques instants, ce sera Spectrum. Il y aura aussi D-Bungie, ce sera dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis on va jouer maintenant avec Sophia qui est avec nous. Bonjour Sophia, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Bon, oulala, malheureuse Sophia, j'ai oublié de te mettre la musique du jeu. Oh là là. Bah oui, je croyais que ça avait raccroché. Mais non, écoute bien la musique du jeu. Pardon? Je dis écoute bien la musique du jeu. Ce grand jeu magnifique qui est au pied du mur, avec les trompettes et tout, écoutez. Écoutez bien la fin. Ah, on est bien là, avec Jean-Luc Reichmann, on est très très bien. Tu as déjà regardé ce magnifique jeu ou pas, Sophia? Oui, tout à fait, on va regarder ça. D'accord, ok, très bien. Bon, Sophia, alors le concept était relativement simple. Tout à l'heure, on avait posé une question, enfin Jean-Luc plus précisément, d'ailleurs il va la reposer, Jean-Luc. Quel héros surnommé le Chevalier Noir? Christian Bale incarne-t-il? Eh oui. C'est pas super, super, non, super si. Évident. Ça va encore, Jean-Luc. Qu'est-ce que justement, Sophia, est-ce que tu as la bonne réponse? Oui, je pense. Vas-y. Batman, Jean-Luc. C'est une bonne réponse, oui! Eh ben voilà, c'est gagné, ouais. Bravo! Hop là! Eh ben voilà! Eh ben voilà, Sophia, t'appelles de Bruxelles justement, tiens, c'est parfait! T'es partie en vacances ou pas toi cette année? Oui, je pars bientôt aussi. Tu pars, bah, la vie elle est partie et elle part bientôt. Ouais, tu pars où? Mais je pars à Zanzibar. Ah, oh, bah oui. Ah oui, bah oui. Oui. rien que ça. Tu pars, parce que si t'as une place, je viens, hein. Finalement, non, moi je suis totalement ouvert. Moi je viens, il n'y a pas de problème. Contrairement à Tof, tu n'as pas couché avec moi, hein, c'est pas obligatoire. Hein. Donc moi je viens juste pour profiter du voyage, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors qu'avec Tof, c'est des conditions sine qua non, c'est ça. C'est un minimum. Bah oui, le problème c'est qu'il se met des. Il s'arrête, tu vois. Ah, tu m'as fait peur avec ta phrase là. De quoi? Ah non, t'inquiète pas. Bon, Sophia, comme quoi tu vois, je t'offre un cadeau et tu n'es même pas capable de m'inviter. Je retiens pour la prochaine fois. Il n'y a mais pas de problème. Mais non, c'est le bienvenu. Alors, si tu payes ta part, il n'y a pas de souci. Ah oui, bah voilà. Alors qu'elle bosse dans une agence de voyage, il faut le savoir, tu vois. Elle pourra me dire, allez, je te fais 90% sur le billet, t'inquiète, c'est bon, non, je gère. Pas. Eh ben voilà, même pas. Bon, Sophia, bah écoute, on va t'offrir un écran, une tablette ou un smartphone. Qu'est-ce que tu choisis? Un écran, une tablette ou un smartphone? Oui. Je vais prendre la tablette. La tablette, eh ben elle est pour toi, il n'y a pas de problème, Sophia. Je te fais des gros bisous. Et tu merci restes au standard. Beaucoup, je t'embrasse. À bientôt. Merci, gros bisous. À bientôt. Au revoir. Allez, ciao à toi. Bye bye. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. Dans un instant, la destruction également. Florence and the Machine. Et on est très en retard. Les infos maintenant. C'est avec Audrey. Bonjour. Bon, il me fait déjà des signes. Genre, j'ai déjà fait les infos à 8h34. Alors, hein. Commence pas. Hein. Bon, allez, c'est parti. C'est 8h32 maintenant. Tu vois, quoi, ouais. Tu perds encore du temps. C'est ça. Mais ouais. C'est accessoire, bon, les infos. Allez, non, on fait ça parce qu'on est obligé. C'est très important de s'informer. Bon, ça suffit maintenant. De multiples incendies ont eu lieu ce week-end à travers l'Espagne. Des milliers d'hectares de végétation ont été brûlés, tuant au passage un pompier qui tentait d'éteindre les flammes. Alors que les températures avaient baissé dimanche sur le nord, le sud-est de l'Espagne restait une zone à haut risque. C'est là, dans la région d'Alicante, qu'un nouvel incendie a éclaté. Plusieurs personnes ont été blessées. Dans l'archipel des Canaries, plus de 4700 personnes ont été évacuées depuis vendredi. 2500 villageois ont dû abandonner leurs maisons. Les Philippines, par contre, se préparent à de nouvelles pluies torrentielles. L'archipel redoutait une nouvelle tempête tropicale. Près d'un demi-million de personnes ont perdu leur logement suite à la première tempête. Elles dépendaient toujours lundi de centres d'hébergement installés dans des écoles et des églises. Ils sont coupés du monde, souvent sans vivre ni eau potable. Chaque année, une vingtaine de typhons frappent les Philippines lors de la saison de la mousson. Chez nous, un drame a été évité de justesse à Liège, où un individu a tenté de faire exploser son appartement après avoir ouvert le gaz samedi soir. Heureusement, la fenêtre fenêtre était restée ouverte et le gaz a pu s'échapper. Un incendie s'est toutefois déclaré. L'individu a pris la fuite par les toits de la rue. Il a finalement chuté et s'est gravement blessé. L'homme a été transporté à l'hôpital. L'incendie a rapidement été maîtrisé. Tout sera mis en place lundi au funérarium de Robertmont pour que le maximum de personnes puissent assister aux funérailles de Michel Dardenne. Un écran géant sera notamment installé à l'extérieur du funérarium. La grande salle de 250 places assises dans laquelle se déroulera la cérémonie sera prioritairement réservée à la famille, aux amis et aux proches du défunt. À l'issue de la cérémonie, le corps sera incinéré. Les cendres seront placées dans la concession familiale au cimetière d'Aller dans la stricte intimité. Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans la matinée. Et puis du côté du tennis, le Serbe Novak Djokovic, numéro 2 mondial, a battu ce dimanche le Français Richard Gasquet 6-3-6-2 en finale du Master 1000 de Toronto. Le titre est le premier remporté par le Serbe depuis le Master 1000 de Miami en mars et le troisième de sa saison. Et il est 8h33 sur Fun Radio. On va se faire dans un instant Florence and the Machine avec Spectrum. Et puis on se fait la météo maintenant. Le temps sera chaud et lourd, ça commence bien. Pourtant, il y aura des nuages après. Voilà, le soleil sera de la partie dans l'après-midi. Les températures maximales seront proches des 27 degrés. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. On peut faire mieux quand même. Oui, oui. Bon, ça va, 27, on va pas se plaindre non plus. Oh, mais il n'y a pas de soleil. Non, oui, mais c'est pas grave. Ah, il reviendra un autre jour. T'inquiète pas. Ils annoncent un très très beau temps pour le jour férié, la mercredi 15 août. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est ce qu'ils annoncent. Pendant que d'autres seront à la radio. C'est ce qu'ils annoncent, c'est ce qu'ils annoncent. Mais tout le monde sera à la radio. Ouais. Tout le monde travaillera comme des chiens. Comme d'habitude. Exactement. C'est ça. Allez, Florence and the Machine dans un instant. Et l'info en plus maintenant. Eh bien, stop aux faits salaires, j'ai envie de dire. Non. Oh. Mais non, moi je suis pas vivre. Tu sais pas vivre. Bah oui, mais enfin, tu vois les faits salaires qu'on voit dans les hôpitaux, c'est tout de suite moins glamour. Hein. Ouais. Tu vois bien l'espèce de blouse qui s'enfile comme une cape chez le coiffeur et qui dévoile. C'est moins glamour, mais ça dépend qui le porte. Oui. Enfin, généralement, j'ai une petite idée de qui peut le porter. Oui, je te le dis, c'est pas glamour. Eh bien, la ministre de la Santé française, Marisol Touraine, a décidé de s'attaquer au problème des faits salaires à l'hôpital. D'accord. Il en va, selon elle, de la dignité des patients. Ça me fait bien rire. Près de 7000 Français ont apporté leur soutien à cette noble cause. Ah ouais? Ouais. Rien que ça, bien. Tu vois? Quelle noble cause. Mais oui, quelle noble cause. Très très belle noble cause. Bah, attends, les pauvres. Ah oui, bien sûr, ils sont à plaindre. On comprend, bien sûr. Non, mais c'est vrai. Bon, allez, 8h35 sur Fun. Dans un instant, on va jouer au Free Code Game. Si vous voulez jouer avec nous, et bien c'est dans un instant. Il y a des écrans, des tablettes et des smartphones à gagner. Et des questions à vous poser, tout simplement. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez simplement Frites maintenant au 6322. Bonne chance. Et puis on s'écoute maintenant un son qui déchire. Florence and the Machine, maintenant, c'est Spectrum sur Fun. Florence and the Machine sur Fun Radio Spectrum. Il est 8h39, c'est D-Bungy dans quelques instants qui va débarquer sur Fun. Et puis on aura aussi évidemment la Destruction, The Comeback of the Destruction dans quelques instants sur Fun Radio. Nous allons bien évidemment jouer d'abord au Free Code Game. On jouera également avec le Fun Shaker tout à l'heure. Vous pouvez encore envoyer Bar hein, si vous voulez jouer avec nous. Vous envoyez Bar au 6322. Et c'est Jonathan pour le Free Code Game, le premier de la saison. Bonjour Jonathan. Bonjour. Comment ça va? Oui, très très bien, Jonathan, très très bien. Et nous allons jouer au Free Code Game. Dès que Toff m'aura donné les questions, parce que j'ai un petit problème informatique. Petit problème informatique. Oui, c'est ce qu'on appelle l'upgrade de la base de données des mails. Et ben, ça prend un peu de temps. Bon, alors, Jonathan, t'appelles de Wanze, toi. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, dis-moi? Là, je suis vraiment au chômage, sinon je travaille à la centrale de Tirange. D'accord, ok. Donc, t'es au chômage, mais quoi, tu recherches du travail en fait, c'est ça? Ouais, je cherche toujours du boulot là. D'accord, bah vas-y, profite pour passer l'annonce tant que t'as l'antenne, on sait jamais. Bah voilà, j'ai mis mon diplôme que j'ai pas ici à Don Bosco avant. Ouais. Et je cherche tout travail en menuiserie. Travail en menuiserie, donc si vous êtes intéressé, Jonathan est là, disponible tout de suite, j'imagine. Oui, tout de suite. Bah voilà, nickel. Ça, il peut venir, cet après-midi. Exactement. Bon, alors Jonathan, on va jouer au Free Code Game. Écran plat, tablette numérique, smartphone, place de ciné, compile, tout ça c'est à gagner. C'est toi qui vas choisir d'abord évidemment le jingle du Free Code Game. Le Free Code Game. Comme vous pouvez le remarquer, nous n'avons pas eu le budget pour le refaire. Bon, on y va donc. Alors, il y a 4 séries de questions. Petit paquet, grand paquet, de room ou mitraillette. Qu'est-ce que tu choisis, sachant que ça va des questions les plus faciles aux questions les plus compliquées et que tu vas pouvoir repartir avec des petits cadeaux jusqu'au gros cadeau. Alors par exemple, le petit paquet, c'est une compile. Le grand paquet, ce sont des places de ciné. Le Doroom, c'est un iPod. Ou alors la mitraillette, ça c'est écran plat, tablette ou smartphone. Mais évidemment, les questions sont plus compliquées. Qu'est-ce que tu choisis? Ouais, je veux dire le Doroom. Le Doroom? Ouais, le Doroom. Pour gagner l'iPod, eh ben c'est parti, on y va. Je vais te poser 5 questions. Tu fais 3 sur 5 minimum et c'est gagné. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Allez, attention, ladies and gentlemen, c'est parti. De quelle couleur est la mer Rouge? Bleu. Bleu, bonne réponse. Oh là là, pas mal, pas mal, pas mal. Quel sport a déjà été pratiqué sur la Lune? Le golf ou la pétanque? Je dirais le golf. Le golf. C'est une bonne réponse. Attention, il faut répondre rapidement, hein, j'avais oublié de préciser ça. Vrai ou faux, les médailles d'or des JO sont en argent? Non. Non, eh ben c'était pourtant vrai, oui, elles sont en argent, hein. Pas se faire chier, hein. Ça coûtait trop cher. Ouais, tu gagnes l'or. Ouais, tu gagnes l'or, en fait, c'est l'argent. C'est nul. Bon, s'il y a 5 fuseaux horaires aux États-Unis, combien y en a-t-il en Chine? Oh là, ben, je dirais 5, allez. Eh ben 5 aussi, ben non, c'est une mauvaise réponse, malheureusement, il n'y en a qu'un seul. Et enfin, à qui doit-on le mot sadisme? Le marquis de Sade ou le président Sadi Carnot? Je dirais le premier. Qui est? Vous pouvez répéter, non? Ouais, non, bah, allez. Ouais, le marquis de Sade, c'est bon. Allez, c'est gagné. Bravo! Ouais. Eh oh, oui, bien. Magnifique. Quel talent, j'ai envie de dire. Bon, eh ben bravo à toi en tout cas, ça te fait repartir tout simplement avec écran plat. Ah non, avec c'était l'iPod effectivement. Ouais, c'était l'iPod. Bah bravo à toi. Merci. Mais je t'en prie, écoute avec grand plaisir. On va se faire D-Bungie maintenant. Mais bonne journée à toi également et bonne chance pour la recherche de taf. 8h43 sur Fun Radio. Dans quelques instants, la ligne anti-relou et le son de D-Bungie maintenant, c'est Oliver Twist sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. D-Bungie sur Fun Radado, Oliver Twist. Il est 8h45, bonne matinée tout le monde. Dans un instant, la ligne anti-relou. Il y aura également le remboursement de vos factures dans 20 bonnes minutes, 30 minutes même, hein. Si vous voulez tenter votre chance, vous envoyez simplement facture au 63 22. Alors attention, message qui est arrivé: une mer n'est pas bleue, c'est de l'eau. Et c'est transparent, l'eau. Ouh là là. On va commencer à chipoter dans le détail, hein. Parce qu'en plus là, c'est juste être vénère pour être là, parce que du coup le gars il aurait perdu, tu vois, donc voilà, donc oui, on va dire t'as raison, mais voilà, on va pas changer la règle pour autant. Oui, la mer n'est pas bleue, ne dit-on pas que la mer est bleue turquoise? C'est vrai aussi, voilà. C'est vrai, c'est à cause du sable blanc, ça, c'est pour ça. Bon, c'est plus bon. Glamour de dire que c'est bleu. C'est vrai. Allez, on y va. Avant de jouer au Phone Shaker, on va jouer maintenant à la Destruct Song, chanson donc détruite par l'homme ici présent, et à vous de découvrir la version originale de cette chanson. Écoutez bien. Giorgio on the guitar, Sandro de mandoline, I dancing when I meet him the tambourine. Voilà. Facile. Oui, bah facile. Après, il faut retrouver quand même, hein. Ouais. Voilà, vous avez la bonne réponse. Il n'y a pas de honte, si vous l'avez déjà, il faut le savoir. C'est plus la honte de la chanter pour moi. Ouais. The crowd is gonna cry. Quel talent! Joli anglais. Voilà, bon, si vous avez la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, quelle est la version originale, le titre ou le nom de la chanteuse? Vous envoyez ça au 6322, écran plat, tablette et smartphone à gagner. Écran plat, tablette ou smartphone à gagner, donc allez-y, bonne chance tout le monde. Allez, on se fait l'infotrafic maintenant, que se passe-t-il sur les routes? Eh bien, on nous signale un accident sur la N4 Arlon-Namur à hauteur de Sorine-Lalongue. Passage difficile, circulation uniquement via la bande d'arrêt d'urgence. Comme chaque matin, le chantier de Kreneng provoque des files sur la E40 Liège-Bruxelles de Pisterbeek. Sur la E411, un chantier mobile a commencé à hauteur d'Overeil en direction de Namur. La circulation est réduite à une seule bande sur une distance de 8 km. Ça ralentit déjà entre Overeil et Bierges. Et puis attention, un radar est situé sur le 411 Namur-Bruxelles à Éguzé. Très bien, 8h47 sur Fun Radio et on va s'écouter dans un instant une chanson qui va très très bien pour le matin. Surtout si vous la traduisez. Voilà. Whistle dans un instant, c'est Florida sur Fun. Dans quelques minutes, c'est la ligne anti-relou dans Mickaël à la radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. 8h51 sur Fun Radio, c'est Shime. Dans quelques instants, il y aura Florida aussi pour Whistle. Et puis la ligne anti-relou maintenant, c'est parti. La ligne anti-relou, ce sont les meilleurs messages laissés sur le 0-473-86-00-13 qu'on écoute de suite. C'est parti pour le premier message. Allô ma cocotte, t'as aimé ça hier soir? J'aimerais bien que tu me fouettes mes petites fêtes de cochon. Ah, voilà. Donc c'était un message laissé évidemment pour Audrey. Oui, c'est ça, les petites fesses de cochon, je note. Ah non, mais ça peut être pas mal, hein. Je pense que ça peut t'aller comme un gant. T'es qu'à dire. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou, on écoute maintenant. Ouais, allô Juju, je t'appellerai après parce que là j'attends que ma copine elle part et après je suis à toi. J'en profite pour t'appeler parce que là elle est en train de couler un bronze aux toilettes. Ah. Et après je suis à toi et je t'appelle quand tu peux arriver. Allez. Oh la grande classe. Et après c'est à toi. Hein. Bah ouais, la très grande classe, t'imagines. 8h52, allez, numéro de la ligne anti-relou à connaître par cœur et à donner évidemment à tous les relous que vous allez pouvoir croiser, que ce soit en discothèque, que ce soit dans un bar, au resto, dans le métro, au boulot, à l'école, n'importe où, ou même en vacances fatalement. 0473 86 0013. Dès que vous rencontrez un boulet qui veut votre numéro, vous l'envoyez sur la ligne anti-relou et du coup, bah forcément, nous on se fait le caviar tous les matins entre 6h et 9h30. Allez, hop, compte sur vous, 0473 86 0013. Et puis avant de faire les questions existentielles de Toff, d'ici quelques instants, on écoute le son de Florida que je vous invite à traduire. Whistle, maintenant sur Fun. Bonne matinée avec Fun. Et voilà le son de Florida sur Fun Radio, le son Dance Floor avec une belle chanson qui parle de tuyaux. Oui. Très très beau tuyau d'ailleurs. Je vous avais dit, je vous l'avais dit juste avant la chanson, je vous invite à la traduire. Je ne le ferai pas. Hein ? Je l'aurais fait si on faisait le soir, par exemple. Mais là, je ne le ferai pas, bien que c'est marrant de voir tous les gens qui, effectivement. Can you blow my whistle, baby? Et ils chantent, ils sont là, comme s'ils disaient, je sais pas, moi, ils chantaient la danse des canards, par exemple. Donc voilà, donc, je vous disais, hein, je vous invite à la chanter, surtout quand tu sais, quand t'as les enfants derrière. Et que la mère, elle est contente. On chante tous ensemble, c'est parti. Allez, 8h55, dans un instant. Et tu la chantes à une fille au premier rendez-vous. Ouais, c'est pas mal. L'idée aussi, ouais, c'est mes versions traduction, quoi. Ouais, c'est ça. Et en parlant de traduction, je vous la remets un petit coup, tiens, la chanson à découvrir, écoutez bien. And when he's going game, the crow is gonna cry. Voilà. Voilà, donc il faut pas avoir honte, hein, si vous connaissez la réponse, c'est pas grave, ça vous permet de repartir des cadeaux quand même. Ouais. C'est pas toujours facile. Bref, vous avez la bonne réponse. Quelle est la version originale? On veut la chanteuse ou le titre de la chanson. Vous envoyez ça au 6322. C'est 1€ le message. Il y a des écrans, des tablettes et des smartphones à gagner. Dans un instant, le son de Chime sur Fun Radio. Et puis on va vérifier les questions existentielles de Toff ce matin. Hein. Et oui, grande question. Grande question donc. Est-il plus intéressant d'avoir plein de faux amis sur Facebook ou un seul vrai ami? Voilà. Voilà, donc Jupil sur Meux, ça s'est plutôt mal passé. 1000 morts. Bon bah voilà. Bah, j'ai dit non. Et puis je propose qu'on appelle à la cuisine. On avait dit qu'on faisait plus de vannes sur Meux. Bah moi j'ai rien dit. Ah bon d'accord. Voilà. Et on appelle. Je propose qu'on appelle à la cuisine. Non. C'est un très bel endroit. Non, moi je propose qu'on appelle pas là. Ouais, mais si, on va. Non. Non, pas là. Non. Oh, c'est dommage, c'est un bel endroit pourtant. Ouais, mais non, mais je crois qu'on appelle ailleurs. Bon, bah d'accord. On paye. Ouais, c'est mieux ou paye, ouais. Oh, je sais pas, comme tu veux. Hein. Ouais, ou paye, je préfère. Ou paye. Bon, ouais, allez, on appelle à ou paye. Alors, c'est parti. On y va, direction ou paye. Maintenant, la question existentielle du jour. Allez, c'est parti. Dommage, la cuisine, c'était sympa. Non, je préfère ou paye. Allô ? Oui, bonjour, madame. Oui. Oui, vous allez bien ? Et vous aussi ? Mais oui, très bien, très bien. Je vous appelle parce que j'ai une petite question à vous poser. Ah, c'est celui-ci ? Bah oui. J'étais un peu malade. Mais pas du tout. C'est ça, si on réveille les gens pour poser des questions, quelles questions vous voulez savoir? Ben en fait, je voulais savoir si vous pensez que c'est mieux d'avoir un seul ami dans la vraie vie ou 1000 amis sur Facebook. Écoutez, allez dormir et laissez dormir les gens. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez dit? Je vous demandais, est-ce que vous pensez que c'est mieux d'avoir un seul vrai ami ou 1000 amis Facebook? Écoutez, moi j'ai un cours sommeil, je vais dormir, laissez-moi tranquille. D'accord, mais alors pour ma question, vous préférez quoi, vous? Je préfère dormir. Ah, bah ça a au moins le mérite d'être clair. Bon, on va la rappeler, hein, on va la rappeler, bah parce oui. Qu'au final elle dormait pas, donc... La bah pauvre. Mais non, pas la pauvre. Allô? Oui, c'est qui à l'appareil? Oui, Toff à l'appareil, monsieur. Vous allez bien? Ben, c'est qui? Ben, c'est Toff. Et je vous appelle parce que j'ai une petite question que je voudrais vous poser. Vous me faites avoir peur, je croyais qu'est-ce qui s'est arrivé. Au revoir, monsieur. Vous me faites avoir peur, je croyais qu'il s'était arrivé. Belle phrase à la Ribéry. Ah oui, la très belle phrase. Je voyais qu'est-ce qui s'était arrivé. Bon, bah, la question existentielle du jour, malheureusement, ne trouvera pas de réponse. Mais je suis très déçu. Et c'est bien dommage, effectivement. Ouais, ouais. Bon, bah, tant pis. On va enchaîner avec Shaim maintenant. C'est Et alors sur Fun Radio. Juste après, on remettra le couvert avec la petite destruction. Il y aura le remboursement de vos factures également. Et bien, 8h58, les infos arrivent aussi juste après Shaim, comme promis. Et alors sur Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 9h. Bonne matinée tout le monde. Le remboursement de vos factures, c'est dans un instant. Si vous voulez jouer, vous envoyez facture au 6322. Vous connaissez le principe, c'est tous les matins à 7h10, 8h10 et 9h10 sur Fun Radio. On va se faire les infos aussi dans un instant avec Audrey. Et on écoutera aussi le son de Carly Rae Jepsen. Ce sera Call Me Maybe sur Fun. Dans 10 minutes sur Fun Radio, Mickaël paie vos factures. Envoyez facture au 6322, 1€ par SMS. Allez, 9h01 sur Fun, les infos avec Audrey, c'est parti. Bonjour à tous, tout sera mis en place lundi au funérarium de Robertmont pour que le maximum de personnes puissent assister aux funérailles de Michel Dardenne. Un écran géant sera notamment installé à l'extérieur du funérarium. La grande salle de 250 places assises dans laquelle se déroulera la cérémonie sera prioritairement réservée à la famille, aux amis et aux proches du défunt. À l'issue de la cérémonie, le corps sera incinéré. Les cendres seront placées dans la concession familiale au cimetière d'Alleur dans la stricte intimité. Plusieurs milliers de personnes sont attendues dans la matinée. Un drame a été évité de justesse à Liège où un individu a tenté de faire exploser son appartement après avoir ouvert le gaz samedi soir. Heureusement, la fenêtre était restée ouverte et le gaz a pu s'échapper. Un incendie s'est toutefois déclaré. L'individu a pris la fuite par les toits de la rue. Il a finalement chuté et s'est gravement blessé. L'homme a été transporté à l'hôpital. L'incendie a rapidement été maîtrisé. Les rebelles syriens ont opposé dimanche une résistance farouche aux troupes du régime de Bachar el-Assad à Alep. Quatre jours après avoir lancé son offensive terrestre pour déloger les rebelles d'Alep, les chars et les avions de combat de l'armée continuent de pionner plusieurs quartiers. Des affrontements ont marqué par plusieurs exécutions sommaires menées par les deux parties. Les JO sont terminés et on peut être fier de nos athlètes belges. La Belgique aura en nombre ramené plus de médailles de Londres que de Pékin il y a 4 ans. Lionel Cox a décroché la médaille d'argent en tir à la carabine couchée. Charline Van Snick avait ouvert le compteur par une médaille de bronze en judo. Et enfin, Evie Vanacker est également montée sur la troisième marche du podium. Malheureusement, pas de médaille d'or pour notre pays pour ces JO 2012. Et puis enfin, du côté du tennis, le Serbe Novak Djokovic, numéro 2 mondial, a battu ce dimanche le Français Richard Gasquet 6-3, 6-2 en finale du Masters 1000 de Toronto. Le titre est le premier remporté par le Serbe depuis le Masters 1000 de Miami en mars et le troisième de sa saison. Et il est 9h03 sur Fun Radio, on va se faire la météo maintenant. Quel magnifique temps pour aujourd'hui. Eh bien, les nuages seront de la partie et ce durant toute la matinée. Par contre, bonne nouvelle, le soleil sera de retour en début d'après-midi. Les maxima seront compris entre 22 et 27 degrés. La classe. La grande classe. On t'a expliqué que chaque fois que tu te trompes sur la météo, t'es châtié le lendemain. Ah oui, oui. Ouais. Si jamais on voit qu'aujourd'hui, il y a. Pour l'instant, les nuages sont bien là. Pour l'instant, mais on verra combien de temps ça va durer cette affaire. D'accord. Bon, allez, Carly Rae Jepsen dans quelques instants sur Fun Radio et on va se faire l'info en plus maintenant. Eh bien, c'est pas chez nous que ça risque d'arriver, puisque deux petites Américaines ont dû être hospitalisées après avoir été gravement brûlées par le soleil lors d'une excursion scolaire. Selon la maman des deux fillettes, leur enseignante leur aurait interdit de mettre de la crème solaire malgré leur peau extrêmement sensible. Leur institutrice aurait refusé de leur prêter son pot de crème solaire. C'est quand même pas sympa. Oh, c'est mal. Oh, la vilaine. Mais si tu voyais la tête des petites filles, ça fait peur. Elles sont rouges comme des tomates. Bah oui, oui, forcément. Oui, si elles ont pas mis crème. Bah oui. Pour c'est le coup, aujourd'hui, vous êtes tranquille. Hein, aujourd'hui, en Belgique, vous ferez des économies de crème solaire. Normalement, ça devrait bien se passer. Allez, dans un instant, comme promis, je rembourse vos factures pour la dernière fois ce matin. Et puis, on va se faire, comme promis, le son de Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe sur Fun. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exactement, tous les matins j'appelle chez vous, je rembourse vos factures. On écoutera aussi dans un instant le son de Nossa avec Maskenada. Il y aura aussi Tito El Bambino avec Dame La Ola. Et puis on va rembourser les factures maintenant. Bah oui, bah c'est parti. Il y a un moment, faut y aller. Il y a un moment, faut payer. Et oui. Et Dieu sait que le boss était content qu'on soit pas là pendant tout l'été. Hein. Ah, ça lui a fait des économies. Ouais, j'ai essayé de lui envoyer des factures, mais il les a pas payées. Ouais, c'est étonnant, ça, tiens, c'est bizarre. Il a envoyé des trucs des vacances et tout. Et ouais. Bah ouais, c'est bizarre aussi. Bon, allez, on y va, on appelle maintenant quelqu'un pour le remboursement d'une facture. C'est parti, quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 en envoyant facture. Si il ou elle décroche et répond bien à la question que je lui pose, c'est gagné. Allez. Ça n'a pas l'air d'être gagné, justement. Tiens, je sais pas pourquoi ça ne téléphone pas. Ah. Bonjour, vous êtes sur le répondeur suis de mon âge, je ne suis pas là pour le moment, mais laissez un message après le bip, merci. Mais on va laisser un message après le bip, il n'y a pas de problème. Bonjour, c'est Mickaël, tu étais en direct à la radio sur Fun. On t'appelait pour te rembourser ta facture de je ne sais pas combien, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, c'est raté. Tu peux retenter ta chance quand tu veux, en tout cas, il n'y a pas de problème. Je te fais des gros bisous et passe une bonne journée. Oh, c'est dommage, c'est notre premier échec de la saison. Oui, carrément, bah ouais, c'est dommage. Tant pis, bon, bah à bientôt, je te fais des gros bisous quand même. Bon, puis les autres, bah si vous voulez, vous envoyez facture au 6322, il n'y a pas de problème. Dans un instant, la réponse à la destruction. On aura aussi la journée internationale de Pierre. Et puis on va se faire maintenant le son de Tito El Bambino. Un son qu'on a découvert quand on était en vacances. Tito El Bambino maintenant avec Damela Ola. Voilà, c'est un petit, c'est un portoricain qui fait la chanson. Ça s'appelle là-bas El Patron. Vous allez voir, ils le disent dans la chanson. Allez, c'est parti, 9h09 sur Fun. Fun Radio. Tous les matins dans Mickaël à la radio, c'est la journée internationale de Pierre. Mais oui, la journée internationale de Pierre sur Fun Radio. Allez, c'est parti, on va y aller, la 9h12, journée internationale de Pierre. Si vous partez en Corse, par exemple, vous savez que les Corses sont pas toujours faciles. Hein, parfois, ils s'énervent un peu. Parfois, ils s'énervent un peu rapidement. Un peu beaucoup. Oui, aussi, un peu beaucoup. Et donc, je vous propose maintenant, c'est d'écouter la journée internationale de Pierre, spéciale Corse. Des fois que vous alliez là-bas, écoutez ce qui vous attend. Hein. Bonjour, bienvenue au Pêche pour les Hyundai. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je fais là? Tic, tac, tic, tac. Ah, je ne sais pas. La bombe corse. Ah. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Très bien, bonne journée, au revoir. Opel Chevrolet Hyundai, bonjour. Bonjour, bon, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge. Ok, c'est pourquoi monsieur, parce qu'on va pas perdre de temps là, c'est pourquoi je vous écoute. C'est juste pour faire boum avec moi, vous voulez pas? Ok, je vous laisse. On s'explose la tête à deux. Tic, tic, tic, boum. Ça va très bien, au revoir. Opel Chevrolet Hyundai, bonjour. On a différents types de bombes, la classique, okay. L'antipiste. Non mais je vous explique juste, vous êtes sur un standard téléphonique avec beaucoup de monde qui appelle, ça fait trois fois. Donc la quatrième, on laisse pas passer. C'est-à-dire, on a la bombe guidée, la bombe chimique. Opel Chevrolet Hyundai, bonjour. On a la bombe de marquage, la bombe à neutrons. Oui, et tu as pris tes cachets ce matin, gros con. Hein. On a la bombe nucléaire aussi. Ouais. Vous faites quoi d'autre ici? Bon, on va appeler les flics, hein. Là c'est trop long. Hein. Ça fait essaye d'appeler les flics, tu vas voir, moi je te mets une bombe au cul. Hein. Ouais, ben viens la mettre, viens maintenant. Hein? Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic, boum! Allez, au cloche. Ouais, au cloche, moi aussi je peux prendre l'accent corse. Hein. Enculé! Oh, calme-toi! Enculé! Tu veux mourir toi, tes gosses ou quoi, espèce de gros connard? Mais tu as pas compris, c'est moi qui ai la bombe. Écoute, je la déclenche. Mais tu veux mourir ou quoi maintenant ou quoi? Écoute le tic-tac. Mais tu as vu tout, espèce de grosse pute. Ça va péter. Espèce de nordiste de merde. Hasta la vista. Tu veux, je vais te trouver, enculé. Le Corse. Oui, ils sont pas toujours faciles, hein. C'est pas toujours facile, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà, journée internationale de Pierre qui reviendra en direct très très vite, hein, dès qu'il aura terminé ses vacances. Hein. Dieu sait qu'on a un petit peu le temps à ce niveau-là quand même. Hein. Et puis avant de se faire péter la réponse aussi à la destruction d'ici quelques instants, eh bien, je vous propose d'écouter un nouveau son. Tiens, vous me donnez vos avis, tiens. On va demander à Audrey si elle aime ou si elle aime pas. Bon, de toute façon, la connaissance dit, oh, c'est de la merde. Bah attends, laisse-moi écouter. Rudimental maintenant, écoutez, c'est Feel the Love. Vous donnez vos avis au 3044 ou sur le Facebook. Je compte sur vous. Voilà, Fun Radio, 9h19. Et donc, à l'instant, nouveauté, hein, Rudimental, c'était Feel the Love. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé? Vous nous dites, n'hésitez pas. C'est la première fois qu'on vous le met sur Fun. Audrey n'a pas aimé, donc c'est parfait. Ça veut dire que les autres vont aimer normalement. Hein. Donc, c'est pas juste. Mais non, comment ça, c'est pas juste? C'est vrai. Mais non, pourquoi? Bah, parce que tout le monde sait que t'as des goûts relativement merdiques, voilà, hein, on peut le dire. Hein. On n'oserait pas. Non, mais c'est vrai, faut dire les choses. Mais c'est pas méchant. Comment ça, c'est nul? C'est vachement bien. Ça réveille bien. On dirait un truc de carrousel comme ça. Mais tu sais, après, t'as tout à fait le droit d'avoir mauvais goût. Hein. Ouais, c'est ça. Y'a aucun problème. Bah, ça, c'est ton avis. Tu sais que tu peux encore démissionner si tu veux. C'est le premier jour, t'as des jours d'essai, tout ça, si tu veux, y a pas de problème. Bon, allez, on va jouer dans un instant au Phone Shaker. Et on va d'abord prendre Gillian qui est avec nous. Salut Gillian. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Bah oui, tranquille. Hein. Pépère, tu fais quoi là aujourd'hui? Tu travailles? Ah ouais, je suis en train de travailler là. Ah bah écoute, bon courage à toi. Ça va bien se passer. Tu fais quoi, Gillian? Je suis poseur de châssis. Poseur de châssis. D'accord, ok, très bien. Ouais. Bah écoute, bon courage aujourd'hui. Ça va pour l'instant, il fait bon, c'est encore cool. Ouais, pour le moment, le temps, il est super. Ouais, parce que quand tu fais ça en plein mois de février, ouais, si tu veux... Hein, c'est génial. Tu poses tes châssis, il fait moins 10, hein, ça fait... Alors, c'est différent, quoi, c'est différent. Bon, alors, Guyliane, toi, tu avais la réponse à cette magnifique destruction qu'il fallait découvrir. Game, the crow is gonna cry. Arriving, Gigi de Eh oui, magnifique chanson qu'il fallait découvrir, donc, hein, traduite par Lob. Quelle est la bonne réponse, Guyliane? C'est Dalida avec Didier Lamoureuse. Eh oui! Bonne réponse! Oh, yeah. Bonne réponse! Eh ben, ça te permet de repartir avec un écran, une tablette ou un smartphone. Qu'est-ce que tu choisis? Je vais choisir l'écran plat. L'écran plat, eh ben, il est pour toi, il n'y a pas de problème. Ben, passe une bonne journée, Guyliane. Merci à toi aussi. À bientôt. Salut, salut. Bonne émission. Au merci, revoir, c'est hein. gentil. Bah écoute, on est sur la fin là. Après, c'est Lucas qui va débarquer pour le sel jusqu'à 13h cet après-midi. Enfin, ce matin jusqu'à cet après-midi. Et puis, on va aussi dans un instant faire le tirage au sort sur le Facebook de Fun Radio. Facebook.com/Fun Radio. En cliquant sur le logo Mickaël à la radio ou sur ma tête, tout simplement, vous pouvez tenter de jouer et repartir aussi avec une tablette tirage au sort dans quelques instants sur Fun Radio. Donc, restez bien à l'écoute. Et puis, on va également prendre Thibaut pour le Fun Shaker là. Summertime. Le Fun Shaker sur Fun Radio. Et oui, le Fun Shaker sur Fun Radio, c'est donc avec l'ami Thibaut qui est avec nous. Comment ça va, Thibaut? Ça va. Ça va, tranquille? Oui. Ouais. Bon, ouais, ok, d'accord. Ouais. Mais si j'ai envie de te dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va, c'est que ça va. Ouais, c'est pépère, okay, tranquille, tranquille, tranquille. Bon alors, Thibaut, tu appelles de Nivelles. C'est bien ça? Oui. 90.6 oui. pour écouter Fun Radio à Nivelles. Et donc, toi, tu nous appelles pour jouer au Fun Shaker. Fun Shaker, c'est facile. Même si tu n'as pas l'âge, tu es quand même au bar de Fun Radio. Je ferai des cocktails sans alcool, c'est pas grave. Pas de problème. Bah oui, c'est normal. T'aimes bien des cocktails? T'as déjà goûté des cocktails sans alcool? Non. Ah, pour toi, je ferai un Virgin Mojito. Un Virgin. Oui, c'est sans rhum. D'accord. Bah oui, c'est la même chose, mais c'est sans le rhum. Donc comme ça, tout le monde peut le boire, quoi. Bon, Thibaut, on y va. Le concept est simple. Il faut secouer le shaker. Pour l'arrêter, il faut que tu cries Fun Radio le plus fort possible. Et là, on voit ce qui tombe. Quoi qu'il arrive, tu gagneras des cadeaux. C'est une certitude. On verra ce que tu vas gagner, mais quoi qu'il arrive, tu gagnes quelque chose. Ça peut être des places de ciné, ça peut être un iPod, ça peut être la serviette high-tech, ça peut être un écran plat, ça peut être une tablette, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Ça peut être aussi un voyage autour du monde pendant 600 jours non-stop, tout frais payé dans des hôtels sur luxe. C'est jamais tombé, franchement. Mais c'est bizarre, oui. C'est bizarre. Bon. Je sais pas où on l'a rangé dans le shaker, celui-là. Allez, bah, je sais pas non plus, tiens. Bon, allez, on shake. Thibaut ? Ouais. Allez, c'est parti. C'est beau, allez. Fun Radio ! Fun Radio, attention, attention. Et bah. C'est gagné, à ton avis, c'est quoi ? Une brouette. Oui, une brouette, exactement, tu vas pouvoir faire du jardinage. Eh oui, bravo, une brouette, tu gagnes une brouette, t'es content, Thibaut? Et je te laisse un vieux pot de peinture de chez ma soeur. Ouais. Voilà, et je te mets même une pelle et un râteau. Tu vas pouvoir aller t'amuser à la mer. Non, non, pas du tout, c'est un iPod que tu viens de gagner, Thibaut. L'iPod, il est pour toi, tu vas pouvoir écouter la musique que tu veux. On va t'envoyer ça rapidement, Thibaut, d'accord? D'accord. Je t'en prie, passe une bonne journée. Ouais. Allez, à bientôt Thibaut, ciao à toi, bye bye. Bon, ah bah voilà, bonne chose de faite. Restez bien à l'écoute de Fun, puisque ça va tomber encore tout à l'heure, hein, le Fun Shaker. Ce sera avec Lucas jusqu'à 13h. Ça tombera avant 13h, quoi qu'il arrive. Il faudra écouter le signal de Fun, là, le signal du Fun Shaker. Ça arrivera peut-être aussi cet après-midi, entre 13h et 17h, avec Mademoiselle Luna, ou encore ce soir, évidemment, avec notre ami Dylan, qui poussera le best-of, encore une fois, de la tribu, jusqu'à 20h. Voilà. Bon, la bonne journée à Audrey. Bah, toi aussi. Ben oui, tant mieux. Mais écoute, tu te remercies. Ça va, t'as supporté là pour le premier jour? C'est bon, pour le premier jour, c'est bon. Pour le reste, il va falloir que je prenne quelque chose. Parce... D'accord. Ça devrait bien se passer normalement. Hein. Ça devrait aller. T'inquiète pas, je vais t'en donner. Voilà. Voilà. D'ailleurs, il faut pouvoir applaudir quand même aussi Audrey. Voilà, qui a fait son premier jour et qui ne sera peut-être pas là demain, donc on fera les infos. Hein, ce sera Sandro qui fera les infos. Voilà. Bien sûr. Sandro, le stagiaire, qui fera les infos. Il y a une lampe cassée sur la route. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là, il faut savoir que tout à l'heure, elle nous a fait l'info trafic en disant qu'il y avait une lampe d'un feu rouge qui était cassée, je ne sais même plus où. En Flandre, je pense. Ils sont fous, tu vois. Mais c'est bien. Donc personne ne passe. Voilà. Et on félicite également Sylvain qui vient de gagner aussi sa tablette sur le groupe Facebook. Bravo à lui. On a fait un tirage au sort et on remettra le couvert cet après-midi. après-midi. Donc soyez bien branchés sur le Facebook de Fun. Demain, on refera un tirage au sort. Bravo à Sylvain donc qui repart avec sa tablette. La bonne journée à Toff également, et à Lob également, et à Sandro. Mais et oui, bonne journée. Voilà, c'est ça. Et à notre stagiaire de la semaine qui est resté coincé dans le coin du studio. Hein, bah écoute, on m'a rien donné à faire, donc j'ai rien fait. Bah ouais, c'est pas gentil. Mais ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu vas prendre cher tout à l'heure. Allez, on se retrouve demain en pleine forme à partir de... Non, on se retrouve demain à partir de 6h. Parce que la pleine forme, ouais, bon, il faut qu'on se remette dans le bain, tu vois. Semaine ou deux. Mais ouais, ça se fait petit à petit. Faut pas pousser non plus trop vite, quoi. On va dire ça comme ça. Allez, rendez-vous demain donc à partir de 6h. Dans un instant, le self. Vous allez pouvoir faire la prog avec Lucas qui arrive en mode Poncherello nouveau. Allez, lunettes de soleil et tout, pépère. Attends, il revient de vacances. Hein, ah bah attends, voilà. Bon, il revient de vacances. Ça fait un bout de temps maintenant. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas, moi j'étais pas là. Donc je sais pas qui était là. Ça, ça fait pour moi, un tout le monde revient de vacances aujourd'hui. Ça fait un bout de temps qu'il est revenu de vacances, là, effectivement. Lucas en pleine forme. Ça va, super. Ça va, pépère. C'est lundi. Bon, bah oui, t'as remarqué aussi, tu vois. J'ai remarqué. Le lundi qui n'est demain, pas sous le soleil. Lundi. Eh oui, lundi, c'est qui mieux demain. Lundi qui n'est pas sous le soleil, comme t'as pu le remarquer. Non, hein. Pas encore. Mais ça viendra pas. Hein. C'est oublié. Hein. Allez, on se retrouve demain dès 6h. Bonne journée, tout le monde. Ciao. Mickaël à la radio revient demain, dès 6h sur Fun Radio. Fun.